Bonsoir, soyez tous salués, quel que soit l'endroit où vous trouvez. Je sais que c'est une surprise pour beaucoup parce que, effectivement, comme je l'ai annoncé dans mes forums, nous avons une urgence chez moi à domicile. Et ce n'est pas tous les Américains qui sont habitués à ce genre de régime de silence dans une maison. Donc, c'est un problème de maintenance assez urgent. Ils sont venus, donc j'étais le seul dans la maison. C'était difficile. Mes enfants ne sont pas là et tous sont partis avec le plus petit. Donc, du coup, je ne pouvais pas faire un langage de sourd-muet. Du coup, j'ai violé ma loi du silence ce dimanche. Et ça continue jusqu'à là. Et puisqu'il était question de réparer le climatiseur, il fait une chaleur à mourir ici. Et donc, j'étais contraint de parler. Et comme il y avait un dossier, disons un enseignement qui était prévu hier, et j'ai dit que ça va être fait à une date ultérieure, et compte tenu également de déjà plusieurs enseignements qui sont programmés, je me suis dit, autant épuiser cet enseignement qui était prévu pour demain, je vous l'ai dit qui était prévu hier samedi, de le faire maintenant ce dimanche. Donc, veuillez faire passer, partager, s'il vous plaît, auprès de ceux-là, qui généralement, la majorité savent que les dimanches, je ne parle pas, mais c'est une exception. Je crois qu'ils doivent recevoir les alertes. J'ai invité deux personnes aujourd'hui qui vont donner un peu leur point de vue sur ce sujet délicat. Comment? Comme par hasard, parce qu'il y a certaines personnes qui étaient surprises de retrouver leur nudité, de retrouver leur appareil génital qui était pourtant caché quelque part, en train de voyager sur tous les réseaux. Et pourquoi, en fait? Donc, le comment et le pourquoi. Il y a certaines personnes qui étaient surprises, mais il y a d'autres, par contre, qui le font volontairement. Donc, vous comprenez le double aspect de cette question. Le comment, mais comment est-ce que je me retrouve, moi, tout nu, là, dans les réseaux? Mais pourquoi? Pourquoi je l'ai fait pour que j'expose mes parties? Ça, c'est le côté volontaire. Mais le côté innocence, c'est le comment. Donc, j'ai invité deux personnes. Et s'il y a d'autres qui sont intéressés à intervenir, parce que les deux sont des femmes, et il se fait tard. Il y a une qui est avec moi ici aux États-Unis, l'autre se trouve en Europe. Moi, je vais commencer par celle qui est en Europe, parce qu'il se fait tard, je ne voudrais pas que son mari se fâche. Elle ne va pas rester très longtemps éveillée. Et j'aimerais aussi donner l'opportunité aux hommes de s'exprimer sur ce sujet. Est-ce que c'est bon d'exposer votre sexe sur les réseaux sociaux? Nous sommes tous des adultes. D'accord? Nous sommes tous des adultes ici. Est-ce qu'il est normal de se prendre une photo soi-même et ensuite de l'exposer? Surtout, l'exposer expressément dans les réseaux sociaux. Par contre, l'autre cas, comment est-ce que ça se retrouve? Eh bien, ces mamans-là vont nous aider sur le comment ça se passe. Et pourquoi? Et moi, par contre, je vais beaucoup plus mettre l'accent sur la partie parce que j'ai discuté avec les deux en privé. Il y a une qui a dit vraiment, ne connaissait pas ce côté-là, le rapport qu'il y a entre le côté mystique et l'appareil génital d'un homme qu'on voit sur les réseaux sociaux ou l'appareil d'une femme qu'on voit sur les réseaux sociaux. Eh bien, je vais vous amener dans ce côté mystérieux que beaucoup d'entre vous ne connaissez pas. Oui, la technologie évolue. Oui, le mysticisme, la science mystico-spirituelle également évolue. Donc, avant d'en dire plus, une minute encore avant que je n'appelle nos mamans, et s'il vous plaît, invitez. Dites-leur que oui, ce fut une surprise, parce que mon jour de silence a été violé, hein, pour des raisons de sécurité de la famille. Donc, appelez, deux minutes encore. ont tout de suite démarré parce que, comme je disais, je ne veux pas maintenir la pauvre maman. Je ne veux pas qu'elle ait des problèmes avec mon beau-frère. Vous savez, nos frères de là-bas, nos frères blancs, ils n'ont pas la même mentalité que nous. Donc, je ne veux pas maintenir notre sœur longtemps éveillée. Je vais donc demander à cette dernière de nous apporter un peu sa lumière sur cette affaire des nudités, des femmes comme hommes qui exposent leurs appareils génitaux dans peut-être les réseaux sociaux ou dans votre propre téléphone. Pourquoi pas? Donc, je vais pouvoir ici entrer en contact avec elle. Et si elle a mon contact, elle peut naturellement m'appeler ou auquel cas je vais l'appeler. Continuez à inviter le maximum. Si elle est en ligne, elle peut m'appeler ou bien je l'appelle. Il n'y a pas de problème. Bien, je constate que le nombre n'augmente pas. Est-ce que vous invitez les gens ou pas? Oui, je constate seulement qu'une seule personne est rentrée. Je veux encore au moins 50 personnes rentrées pour que nous puissions débarrer tout de suite. C'est un fléau. C'est un fléau à travers le monde. Donc, ici, c'est peut-être pas trop vulgaire, mais je voulais dire, en Afrique, ce n'est pas trop vulgaire, mais ici, c'est très fréquent. Bien. Je ne sais pas si notre maman a des petits problèmes. Je veux bien voir sa disponibilité. Ah ben tiens, elle est occupée. Elle est sur une autre ligne. Donc, pendant que nous y sommes, puisqu'elle est occupée sur une autre ligne, je vous prie de bien vouloir. Oh tiens, elle m'appelle d'un autre côté au Hatresham. Je ne savais pas. Et qu'elle m'appelait dans une autre ligne, dans mon autre numéro. Non, ce n'est pas elle, c'est plutôt quelqu'un. OK? Invitez le maximum. Il y a eu seulement jusque-là 10 personnes qui se sont ajoutées. Il n'y a que 10 personnes. Invitez le maximum. Bon, elle est maintenant disponible. Elle est disponible, je vais pouvoir relancer l'appel. Ah oui, maman, tu es dispo? Oui, j'ai essayé d'appeler d'abord sur le deuxième numéro. Oui, je constate que le deuxième numéro m'a signalé que ton numéro a changé. Bon, écoute, nous avons quand même une trentaine de personnes, ce n'est pas grave. Tu sais que c'est une surprise, hein, comme je t'ai expliqué. Ceci est ma journée de silence, mais à cause de l'incident qu'il y a eu, un incident de maintenance, et les Américains ne pouvaient pas communiquer avec moi sous un langage de sourds-muets. Ils me disent, on ne peut pas. Et surtout que c'est une urgence, tu sais, le clim a pris un coup, et là, aujourd'hui, nous étions à une température de 34-35 degrés. Bon, pour nous, c'est quand même trop. Et il a fallu donc, voilà. Et je suis le seul à la maison. Généralement, je délègue les pouvoirs, mais mes enfants sont là, et puis ils s'en occupent. Bien, écoute, le débat, c'est celui-ci, hein. Tu es sans ignorer que sur les réseaux sociaux au niveau du Gabon, c'est là où j'ai constaté qu'il y a une fièvre de posting Effet de mode. voilà, hein, des hommes qui exposent leurs appareils génitaux. Bon, les femmes, j'ai vu une toute dernière, l'autre, ça remonte il y a bientôt peut-être 7 ou 8 ans. Bien, on se pose des questions. Hein. Il y a beaucoup de Gabonais qui veulent bien savoir. Mais moi, je ne viens pas ici pour condamner ces personnes-là, ni pour porter des jugements, quoi que ce soit. C'est pour cela que j'ai pris le soin de t'appeler, de te contacter, toi. Je m'excuse, j'espère que ton mari va comprendre que si tu débordes un peu du temps de le rejoindre au lit, il ne va pas se fâcher. Hein. Et il y a une deuxième maman qui est. Voilà, il y a une deuxième maman qui est avec nous aux États-Unis. Elle, par contre, ça va chez nous, parce que chez nous, il n'est que 16h40. Donc. Il n'y a pas de problème, elle ne va pas aller au lit tout de suite comme ça, mais elle se repose un peu car elle anime également un groupe sur Facebook là sur les questions taboues justement. Donc je crois qu'elle N'y a est pas de problème. Quand il s'agit du Gabon, il sait que tant qu'il s'agit du Gabon, il pense que c'est le du monde. Il sait que là, ce n'est pas la peine. C'est Ouais. cause perdue. Bien, est-ce que vous qui me suivez, est-ce que vous écoutez bien notre intervenante? Elle va se présenter elle-même auprès de vous. Elle n'est plus vraiment à présenter puisque plusieurs fois elle a toujours participé à mes lives. Et est-ce que vous me recevez? Confirmez d'abord si vous recevez le son. Est-ce que c'est bon? Ça passe? Faites-moi signe sur l'écran parce que je n'ai pas un moyen de communiquer avec vous par voix, mais par contre sur l'écran. OK, c'est bon. Bien, maman, vas-y. Donc, voilà, tu as compris ma question. Pourquoi? La première question, d'abord, comment? Comment ça se passe qu'on retrouve les photos des gens sur les réseaux sociaux? Et pourquoi? La question, pourquoi certaines personnes postent cela, ou soit dans le téléphone? Dans quel but, en fait? Moi, parce que je ne veux pas intervenir. Moi, j'apprendrai auprès de toi et auprès de l'autre maman. Moi, le côté qui va me permettre de mettre l'accent, c'est le côté mystique, parce que comme vous le savez tous, c'est ça le but de Tetan Zambé, le Tout-Puissant Kana. C'est de parler des questions taboues, mais de percer surtout l'abcès et d'aller au-delà de la matière, au-delà des réalités sociétales, de toucher l'aspect plutôt mystico-spirituel. À toi la parole, oh maman, on t'écoute. Déjà, bonsoir à tout le monde. Je crois que tu as tout dit. C'est Lily. Souvent, parfois, avant, j'étais Lily et là. Parfois, j'interviens sur des lives au nom de la fille des mois. Donc, Mbolani, à ceux qui au Gabonais. Et bonsoir à ceux qui ne connaissent pas le mot Mbolo. Parce que c'est comme ça qu'on dit bonjour chez nous ou bonsoir. Je me présente, je suis Mbezele Ella Rini, je suis gabonaise de mère et kwato-guinéenne de père, née au Gabon, grandie au Gabon. Toute ma vie a toujours été au Gabon, mon accent est gabonais. Donc, pour revenir à notre sujet de ce soir, je ne comprends pas cette fièvre sexuelle qui anime nos parents, nos frères, nos sœurs aujourd'hui de s'exhiber sur les réseaux sociaux. Et je crois que quand j'analyse ces vidéos, je pense que c'est souvent avec les jeunes filles. Parce que je ne pense pas qu'un père de famille va s'exhiber avec une femme de la quarantaine. Je ne pense pas. C'est souvent le but d'impressionner on va parler sur le plan sexuel, d'homme à femme. Mais je dirais plutôt que ce sont les personnes qui s'exhibent pour impressionner, pour peut-être faire comprendre à la personne qu'on est apte, mais je ne comprends pas comment un responsable peut se mettre en j'appelle ça danger, parce que non seulement mais tu humilies toute ta famille, tu humilies ta femme et tu t'humilies aussi. Et c'est souvent avec des jeunes filles. C'est souvent avec les jeunes filles. Mais je crois que ces vidéos sont souvent gardées. C'est aussi un moyen de pression par rapport à ces personnes. C'est aussi un moyen de pression. Mais si tu ne fais pas ce qu'on veut, on t'affiche. Mais je ne comprends pas comment quelqu'un peut, un père de famille, un responsable, par exemple le monsieur en uniforme. Il était dans un bureau. Dans un bureau, comment est-ce qu'on peut souiller sa tenue? Comment est-ce qu'on peut se mettre en danger de s'exhiber? Parce que oui, parfois aussi, les ordinateurs sont piégés. Les ordinateurs sont piégés. On peut penser qu'on fait la vidéo, on envoie à la personne ou on met en vidéoconférence avec une personne, alors qu'il y a quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre aussi peut voir. Parce qu'on peut piéger les gens à travers la caméra, mais les gens ne se rendent pas compte. Les gens ne se rendent pas compte parce que quelqu'un peut faire en sorte qu'une fois ton ordinateur est allumé, quelqu'un d'autre peut avoir accès à tes images. Il faut s'assurer qu'on est bien protégé, que son ordinateur ou son téléphone est bien protégé, que quelqu'un d'autre n'utilise pas nos images, n'ait pas accès à la caméra. On n'est pas là pour juger les gens, on n'est pas là pour juger les gens, mais pour essayer de comprendre et faire comprendre que quand on fait cet acte, par exemple, quelqu'un qui a une femme à la maison, si tu as une femme à la maison, pourquoi ne pas prendre une deuxième femme? Si tu es porté sur la chose et que tu et qu'à la maison, ce n'est pas trop tard, prends une deuxième femme. Ça fait partie de nos coutumes, ça fait partie de nos mœurs, avoir plusieurs femmes. Pourquoi ne pas prendre une deuxième femme que de se mettre dans ce genre de situation? Parce que non seulement c'est le monsieur qui est dans des problèmes, mais en même temps, il n'est pas le seul concerné. Il y a aussi sa femme, il y a la belle famille, il y a sa famille, il y a ses enfants. Quand on fait souvent ce genre de choses, on oublie, on n'est pas les seuls concernés, on a aussi nos proches qui sont concernés. On peut envoyer, ça peut arriver, tu peux envoyer à ta femme. Tu peux envoyer à ta femme ou à ton homme. Ça, c'est dans le cadre de couple en couple. Mais en général, quand un responsable se met dans ce genre de situation, c'est souvent avec des petites filles. Et ces petites filles sont parfois approchées par le camp adverse pour nuire. Pour nuire. Attends. Je vais t'interrompre là. Qu'est-ce que tu veux dire par le cas inverse? Ça veut dire que tu veux dire que dans le cadre politique, parfois, les adversaires politiques peuvent utiliser des personnes interposées pour pouvoir faire la pression à cet individu d'exposer sa partie privée? Ça peut être des adversaires politiques, ça peut être dans son propre camp comme moyen de pression. Ça peut être un collègue, un ennemi caché. Ce n'est pas forcément politique, ça peut être aussi relationnel, ça peut être professionnel aussi. Ouais. Ça peut être aussi dans la famille. Ça vient de partout. Le coup est à gauche, à droite, devant, derrière, en haut et en bas. On ne sait pas d'où vient le coup. On pense toujours que le coup est devant ou la flèche vient devant. Ça peut venir de derrière, ça peut venir d'en haut comme d'en bas. Alors, dans ce cas, quel conseil tu vas porter aux hommes par rapport avec cela? Si on est porté sur la chose, pourquoi ne pas prendre une deuxième femme? Au moins, si une ne peut pas te satisfaire, tu as la deuxième. Si une, par exemple, nous les femmes, on a des périodes où on ne peut pas, au moins tu as la deuxième qui est là, qui peut te satisfaire, que de se mettre en porte-à-faux avec ce genre de situation malaisante pour les uns comme pour les autres. Une question, mais est-ce qu'une femme bien éduquée, bon, pas forcément bien éduquée, puisqu'on a vu des femmes qui sont badées, même des doctorats qui le font, qui exposent leur parti, mais je veux dire, une femme de bonne moralité, voulais-je dire, qui a de bonnes valeurs, parce que quand on parle de moralité, ce n'est pas forcément avoir des doctorats, mais c'est une femme qui a ce qu'on appelle le savoir-vivre. Est-ce qu'une femme qui a le savoir-vivre, logiquement, peut exiger de l'homme de pouvoir poser ce genre de choses? Non. Ça peut être non, comme ça peut être un oui. Dans le cas d'un couple, ça peut être un jeu sexuel. Ça peut être un jeu sexuel dans un couple, je précise bien. D'accord. Dans un couple. Comment? Explique-toi. Explique-toi. Jeu sexuel veut dire quoi? Explique-nous. Pour allumer la flamme, pour attirer son homme, pour faire en sorte qu'il ait envie de rentrer à la maison, qu'il soit pressé de rentrer à la maison. Okay. Ne dit-on pas qu'un homme pressé de rentrer chez lui, c'est un homme heureux parce qu'il sait ce qu'il retrouve à la maison. Mm. Il sait pourquoi il est pressé de rentrer à la maison. Alors là, maman entre de nous dans... dehors, maman entre de... la maman... Il le met souvent. La maman est en train de dire, lancer un message à nos autres sœurs là que, eh bien, voilà une stratégie qu'il faut faire, n'est-ce pas? Si vraiment vous constatez que votre mari n'a plus trop d'intérêt ou ne s'intéresse plus à vous, quoi. Voilà, ça peut être un jeu sexuel pour attirer son homme, pour allumer la flamme, pourquoi pas? Mais pas le faire n'importe comment et à n'importe qui, non? Ça peut être une façon de rallumer la flamme, ça peut être une façon d'entretenir la flamme aussi au sein de son foyer. Quand un homme heureux, et c'est un homme qui est pressé de rentrer chez lui, on le sait. Un homme qui est pressé à 17 h, il finit le travail, à 17 h moins 5, il est pressé de rentrer chez lui. C'est pas pour regarder la télé, il sait pourquoi. D'accord. Je viens de lire sur l'écran que vous n'avez pas toutes les vous n'avez pas toutes les réponses. Moi, j'ai une histoire. Bon, vous qui avez une histoire, maman, vous pouvez appeler dès que j'ai fini avec maman Lily. Vous pouvez m'appeler si vous êtes hors des États-Unis, appelez le plus 1 sur mon compte WhatsApp, le plus 1 614 266 16 63. Vous pouvez appeler à ce numéro 1, hein? Plus 1 614 266 16 63. Ou appelez à celui qui est, si vous êtes abonné dans mes forums, vous qui dites qu'elle n'a pas, c'est vrai, elle ne va pas répondre à toutes les questions, mais ça me ferait plaisir. Voilà pourquoi je vous ai dit que c'est un peu un débat. Donc, sur l'aspect général, c'est un débat. Vous êtes libre d'y participer. Donc, dès qu'elle va finir, je vais vous donner l'occasion de m'appeler. D'accord? Et moi, je ne suis là que pour vous écouter. Moi, le côté où je vais beaucoup plus insister, c'est le côté mystique. Parce que la majorité d'entre vous qui me suivez là, vous ne saviez pas que en regardant le bangala d'un homme, parce que nous sommes tous adultes là, ou bien en regardant le vagin d'une femme, vous faites avoir mystiquement et qu'on peut vous pénétrer votre âme. Beaucoup ne le savent pas. Mais c'est sur ce côté-là que moi je vais approfondir. Vas-y, maman, parce que Non, je t'en je prie. l'ai appris tout à l'heure quand tu m'as appelé, je ne le savais pas. Bien, as-tu autre chose à ajouter avant que d'autres personnes n'interviennent? Ben, tout ce que je peux dire, c'est de faire extrêmement attention parce que ça peut vite déraper. Ça peut vite déraper, surtout dans des conditions pareilles, des ordinateurs. Ça, souvent c'est léger, faut s'assurer et ne surtout pas le faire avec n'importe qui et n'importe comment parce que la personne que tu fréquentes peut être visitée, peut être monnayée pour te nuire. On Chantage. voit tes images, du Je, chantage. voilà, On je peut viens de lire payer sur la l'écran. Ouais, le personne. chantage, oui. Ça peut, la personne peut être payée pour te nuire. Mais toi, tu ne le sais pas parce que pour toi, tu as dans ta tête, comme on dit, le cerveau, il est déjà actionné. Sexe, sexe, sexe, sexe, sexe. Donc, une fois, on a déjà le sexe dans la tête, le reste est bloqué. On ne pense plus à rien. On a ce qu'on a envie dans la tête. De faire extrêmement attention. D'accord. Oh là là. Mais maman, toi, tu vas nous faire un long discours. C'est pas toi. La personne qui est sur l'écran, elle nous dit malheureusement, je ne peux pas appeler. Je suis couché à côté de mon mari. Cette histoire-là le concerne directement. Maman, c'est grave. Merci beaucoup. Je ne vais même pas prononcer ton nom. Voilà une maman qui dit que elle voulait bien appeler, mais comme elle est couchée à côté de son mari et cette histoire le concerne directement. À ta raison. Qui est? Oh mon Dieu. Oh. Bon, Mon maman, Dieu. je vais pouvoir te libérer pour pouvoir tirer une petite leçon sur ce que tu viens de dire et je vais laisser appeler une autre maman pour intervenir. D'accord? D'accord. OK, d'accord. Merci beaucoup. Ben, Allez. on reste toujours branché, mais n'oublie pas, si tu as une autre intervention à faire, ben, le temps pour toi d'avoir d'autres idées pendant qu'on va parler, tu peux toujours intervenir. D'accord, OK. À Merci. tout à l'heure, je reste connecté. Merci, Allez, bonne merci, soirée. merci beaucoup. Merci. Bien. Voilà ce que Maman Lily vient de nous dire. Hein? Maman Lily nous a dit quoi? Il y a les problèmes de chantage. Mais il y a également des couples qui s'entendent à le faire. D'accord? Ici, aux États-Unis, c'est monnaie courante. Il y a des femmes pour prouver. Pour demander à l'homme, demande à l'homme d'exhiber son appareil génital pour prouver de sa virilité, jusqu'à demander même la taille. C'est très fréquent ici chez les Américains. Et ça, personne ne me dira le contraire. Vous, les hommes, faites très attention parce qu'au niveau de l'Afrique et au Gabon également, il y a cette fièvre. Il y a des jeunes femmes qui insistent. Oh, mais comment ça peut me stimuler? Montre-moi d'abord, ainsi de suite. Parce que dans sa tête, elle s'est dit que ce mec-là, ça doit être une grosse gueule, il doit se faire la grande tchatche, je veux savoir vraiment qui il est. Elle le fait avec des bonnes intentions pour avoir une idée de la dimension. Soyons honnêtes entre nous, la majorité des femmes, pas seulement ici aux États-Unis, des sondages ont été effectués, ont été faits. La majorité des femmes, elles aiment du poids lourd. C'est-à-dire, beaucoup de femmes aiment une taille imposante et bien sûr capable de faire un bon travail. C'est pour cette raison, beaucoup de femmes ont donc cette mentalité-là, parfois avec de bonnes intentions, de demander à l'homme de montrer un peu si elle peut supporter. Et on a vu des cas où la femme dit, mais là, je suis désolé, ça c'est quand même trop. Tu es sûr que c'est pour toi ou bien tu as pris ça dans des gistes porno. Le gars dit non, c'est bien moi. Il prend même la photo entièrement, il s'expose. Conseil d'un homme sage. Ce genre de choses, je vous déconseille de le faire, surtout en Afrique, comme la sœur vient de le dire. Ici aux États-Unis, à moins que vous soyez un homme politique. Dans les années 2016 jusqu'en 2000, je voulais dire les années 2009 jusqu'en 2010, Obama était encore président. Il y a eu beaucoup des élus du Parti démocrate qui ont perdu leur poste électoral parce qu'ils exposaient leur nudité. Et les services de renseignement, donc, ont exhibé cela et ça a valu le Parti démocrate à se retrouver minoritaire. Et c'est ainsi que la plupart des lois de M. Obama n'ont pas pu passer au Congrès parce que les Républicains se sont retrouvés majoritaires. Comme vous le savez, ici aux États-Unis, peut-être pour ceux qui ne le savent pas, le Parti républicain est un parti qui insiste beaucoup sur la haute moralité parce que c'est un parti qui est fondé sur des principes. C'est un parti qui est d'ailleurs contre l'homosexualité, les lesbiennités et tout autre, ce qu'ils appellent LGBT. Ils n'aiment pas ça. Donc, du coup, politiquement, M. Obama a pris un coup. Maintenant, au niveau de l'Afrique, il faut faire très attention parce que, comme le disait la sœur, je ne veux pas mettre du sel sur sa bonne sauce. La même femme qui veut voir votre nudité, elle peut être celle-là qui va vous vendre. Elle peut être celle-là qui va l'exposer, parfois si vous êtes marié, auprès de vos belles-sœurs. Et elle peut être celle-là qui va poster ça quelque part. Mais souvent, c'est 2 sur 10 des femmes qui le font. Je répète, souvent, c'est 2 sur 10 des femmes qui le font. Mais par contre, c'est 7 sur 10 des hommes qui sont contents d'exposer la nudité d'une femme. Même si elle l'a fait dans le but de simplement plaire à son copain. Je n'en dirai pas plus. Je vais pouvoir appeler une autre maman qui, elle, va également donner son point de vue sur cette affaire pour des histoires qu'on poste en ligne. Là. Si elle est branchée naturellement, j'espère bien qu'elle est branchée sur ma chaîne. Je vais donc l'appeler. Bien, nous attendons, peut-être qu'elle est occupée, pourtant on n'a pas l'air. Allô. J'ai voulu trop dire des choses sur toi, mais tu es là donc. Ben j'allais dire, mais comment, peut-être qu'elle est occupée. Oui, maman, donc tu es branchée là? Tu es branchée sur la chaîne? Tu as suivi le début? Oui, j'ai eu un peu de mal, mais oui, oui. Bonsoir. Donc, attends. Ceux qui m'écoutent. Attends, le mal, c'est-à-dire quel mal? Tu veux dire que tu ne me suis pas bien? C'est brouillé? C'est calboigné? Non, j'ai eu du mal à retrouver la page pour un petit moment, mais ça va. D'accord, oui. Ça dépend de sur quel émetteur les gens te reçoivent aussi. Oui, d'accord. Ben voilà, tu as suivi la question. Et donc, tu as la parole. Oh. Tu peux parler, maman. Moi, je n'ai pas grand-chose à dire maintenant là, sur cette affaire des gens qui exposent leur nudité. Et je t'informe qu'il y a une maman, c'est sûr que tu as suivi, il y a une maman justement qui a dit qu'elle est une preuve vivante, mais elle hésitait d'appeler parce qu'elle dort à côté de son mari. Donc, elle écrit. Elle voulait bien appeler pour témoigner parce que son mari, justement, en est victime de ces choses-là. D'après ce qu'elle a écrit, attendez. Elle a dit que, oui, malheureusement, je ne peux pas vous appeler. Je suis couchée à côté de mon mari. Cette histoire le concerne directement. Voilà une maman qui vient témoigner. Donc, c'est-à-dire que j'ai choisi ce sujet vraiment à propos. Alors, nous t'écoutons. D'abord, je vais demander à l'audition là. Est-ce que vous écoutez maman avant qu'elle ne se présente, elle s'introduise auprès de vous? Est-ce que vous la recevez bien là-bas? Tous ceux qui sont branchés, OK. Il y a une personne qui a dit oui. Ils nous reçoivent. OK. D'accord. Mam, tu peux continuer. Présente-toi auprès du public. Et puis voilà, on va écouter un peu ta version de ce Mais histoire. bonsoir à tous et merci encore pour l'opportunité. Merci aussi pour ce travail de sensibilisation. Moi, je suis gabonais, je suis Mamkoum, je suis fondatrice de l'ONG Filles, Femmes et Fières. Et je tiens des lives instructifs sur une de mes pages aussi, l'univers de Mamkoum, que vous pouvez découvrir. Donc, sur cette question, moi, je crois que c'est une occasion pour nous de nous remettre en cause parce que nous consommons beaucoup les réseaux sociaux et c'est devenu un moyen de communication qui a pris une part très, très, très active dans la vie de tout un chacun. La preuve, ce qu'il faut déjà noter, c'est que les réseaux sociaux, finalement, tout le monde les utilise. Donc, les premières histoires de nudité qu'on a pu avoir sur les réseaux sociaux étaient des personnes jeunes. Mais aujourd'hui, on se rend compte que ça touche tous les âges. Donc, c'est vraiment important d'en parler. Je tenais à le notifier. Personne n'est à l'abri d'un dérapage ou d'un scandale sexuel. Maintenant, la femme initiée et traditionnelle que je suis, je passerai certainement un message à mes sœurs, à mes mamans, à mes filles, pour leur dire que nous, le corps de la femme est un réceptacle d'abord spirituel. Ensuite, c'est un réceptacle physique parce que nous donnons la vie. Donc, nous avons de très beaux attributs sexuels, mais par contre, qui ne sont pas à exposer à tout le monde parce que le mystère de la femme se cache dans le sacré. Et donc, je peux comprendre qu'il y a des couples qui vivent loin. Je peux comprendre qu'aujourd'hui, on a envie de se séduire, de se charmer. Mais moi, je me dis quand même que notre téléphone ne peut pas posséder à la fois notre temps et surtout notre part d'intimité. Donc, lorsqu'on montre notre corps à un homme, faisons en sorte que ce soit quelque chose de valable, de conséquent, qui nous apporte beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus d'interaction. Et aujourd'hui, on se sert même justement de la nudité de certaines femmes. Pourquoi pas de certains hommes aussi pour nuire aux autres. Et je trouve que on ne devrait pas le faire parce que vous savez, Internet, en tout cas, maître, on nous vient ici, nous dira, lui qui vit aux États-Unis depuis très longtemps, qu'aucune donnée ne s'efface. En réalité, tout est toujours sauvegardé quelque part. Donc, en réalité, on ne peut pas savoir qui nous regarde et quelles sont les intentions des personnes qui regarde le contenu que nous proposons. Même si on l'a effacé, il reste quelque part dans les mémoires des téléphones, dans des... Vous pouvez même pas imaginer. Donc moi, je voulais dire qu'il faut qu'on soit déjà prudent et que surtout en tant que femme, qu'on sache que le corps de la femme, pour les personnes qui s'intéressent à la tradition, c'est le corps qu'il faut découvrir. C'est le corps qui ne s'expose pas. C'est le corps qui représente beaucoup plus de choses qu'on ne veut bien imaginer. Il faut pas suivre parce qu'il y a l'hypersexualisation aujourd'hui. On vend la femme dans les clips en train de bouger, mais c'est pas ça la réalité de l'histoire. Si on s'intéresse un peu plus à notre tradition, une femme qui se noie, son corps ne flottera jamais seins en l'air vers le ciel. Ce n'est pas possible. Il y a une femme traditionnaliste qui m'expliquait un jour que en forêt, lorsqu'on est attaqué par un gorille ou par un animal sauvage, il suffit que la femme se déshabille et cet animal va repartir. C'est Merci. pour vous dire à quel point le corps de la femme est sacré. Et à force de montrer son corps, les gens ne le savent pas, mais montrer sa nudité à quelqu'un, c'est partager son patrimoine spirituel. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément l'acte sexuel qui va faire Tout l'échange, mais lorsqu'on se montre nu à quelqu'un, en réalité, on montre son âme à cette personne. Et on ne sait pas qui est quelles sont les intentions de la personne en face. Donc, quel que soit l'âge, quelle que soit la raison, faisons en sorte que si on n'a pas le chat, ça reste privé. Mais disons-nous aussi que lorsqu'on a une femme, une sœur, une fille, ou même un père de famille dont on voit la nudité, en fait, nous sommes en train de regarder la nudité de notre propre père, de notre propre mère et de nos propres sœurs. Et ça, c'est inacceptable. Donc voilà, pour ma petite contribution. Merci. Tu as vraiment beaucoup mis l'accent sur le côté culturel, côté patrimoine spirituel, mystico-spirituel. Mais vraiment, restons un peu sur le côté réalité. Quel conseil porterais-tu? Parce que c'est vrai, tu as dit qu'il faut beaucoup d'intimité et tout. Tu as évoqué le cas des mariages à distance. Oui. Quel conseil porterais-tu à ces gens-là? Que faut-il faire dans ce cas? Alors moi, le conseil que je donnerais aujourd'hui, vous savez, les réseaux sociaux, c'est parce que les gens ne s'y intéressent pas. Il y a beaucoup de façons de paramétrer son téléphone, beaucoup de façons de paramétrer les réseaux sociaux. Il y a des gens qui vivent à distance et qui n'ont pas l'occasion de se voir et de se toucher. Ça reste un moyen de communication, mais cryptez vos téléphones. Il suffit d'aller sur Google et de savoir comment est-ce qu'on peut faire en sorte que nos contenus ne soient pas propagés ou partagés à des personnes qu'on ne souhaite pas. Donc, moi, je vais insister sur se documenter sur la plateforme qu'on utilise. Si c'est Facebook, il faut aller dans les settings, les réglages, pour savoir ce qu'il en est. Il faut peut-être restreindre l'usage à un certain public. Pour les parents aussi à la maison, parce que les enfants ont accès à des contenus inappropriés. Et parfois, la nudité des parents peut se partager sur un drive ou quelque chose. Moi, je vous inviterai à vous documenter un peu plus sur comment restreindre cela. Maintenant, aux plus jeunes, parce que ça arrive un peu plus aux plus jeunes, moi je dirais tout simplement que dites-vous toujours que lorsque vous partagez une photo de votre intimité, en fait vous ne savez pas qui regarde, combien de personnes vont repartager, comment ça va circuler. Donc demandez-vous bien d'abord, est-ce que je n'ai pas de chance de montrer ce que j'ai envie de montrer à cette personne directement? Si ce n'est pas le cas, alors je dois user de techniques, d'astuces, peut-être informatiques pour que je sois protégée. Donc il faut d'abord se remettre en cause pourquoi et comment est-ce que je peux faire passer mon message ou ma photo quand on n'a pas le choix. Mais si on a le choix, moi je dirais qu'il faut faire attention à tous les nudes, il faut faire attention, voilà. Au pire des cas, je ne le dis pas de cœur joie, maître, mais il faut enlever le visage, il faut enlever des détails qui vont permettre qu'on puisse se reconnaître, quoi. Même quand on est en couple et qu'on l'envoie à son mari, à sa femme, à son copain, à sa copine, ben il ne faut pas mettre le visage parce qu'on peut voler le téléphone et c'est fini, c'est parti. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ta participation et j'ai appris pas mal de choses et je vais aller dans le même sens tout à l'heure. Ben, tu restes branché. Merci beaucoup. Merci encore. Tu restes branché avec nous et je vais en quelques minutes résumer ce que tu viens de dire. Et également rentrer maintenant sur la partie patrimoine spirituel, sur la partie mystico-spirituelle. Parce que beaucoup de gens ne savent pas, quand je posais la question, la plupart des gens me disent, mais non, voilà pourquoi beaucoup, nombreux sont branchés. Ils ne savaient pas que le fait de regarder le bangala d'un homme ou bien le vagin d'une femme, ça, c'est une porte d'entrée d'attaque de votre âme ou une porte d'entrée du vol de vos énergies et de vos pouvoirs. Beaucoup ne le savent pas. Merci. Il faut enseigner. Merci beaucoup pour l'opportunité et merci pour toutes les personnes qui regardent. Je vous invite à vous abonner à la page du maître Onouvier et de l'encourager dans son travail de sensibilisation. Il faut partager, il faut encourager ces initiatives. Merci à vous et bonne soirée. Je vous suis. Merci beaucoup, maman. Merci encore. Merci. Merci. Bien. Vous avez suivi là sur la partie informatique, sur la partie technologie. La maman a dit que effectivement il faut faire très attention. J'ai pris quelques notes sur les aller sur Google prendre certains renseignements qui peuvent vous être utiles. Par exemple, comment faire en sorte que tout ce que vous émettez, que ce soit des informations, que ce soit des photos, soit privé. Car souvenez-vous que Google a une rubrique intitulée comment manager vos photos. Et si vous, bêtement, vous mettez vos photos, les photos que vous avez sur Facebook, parfois vous vous demandez qu'il y a des gens qui créent des faux profils avec vos propres photos. Moi, je retrouve ma photo quelque part et quelqu'un a créé un profil et c'était l'une de mes belles photos pour pouvoir, soi-disant, dire que c'est lui et que, voilà, comme là, dans cette photo, j'avais un costume, une cravate, je crois que j'ai sorti d'une conférence quelque part, ici, aux États-Unis. C'est même la photo, on m'a toujours confondu au vieux Omar Bongo. Donc, cette photo a été publiée. J'étais surpris. Et quelqu'un l'a utilisée comme profil. Donc, faites très attention. Pourquoi? Mais parce que je n'étais pas rentré, comme venait de dire Mam Koumba, il faut rentrer dans les paramètres de votre, votre app ou de votre, que ce soit Facebook ou WhatsApp, allez-y dans les paramètres. Veillez bien vous éduquer sur les réglages à faire, sur la partie qu'on appelle privacy, the privacy, c'est-à-dire les parties concernant la vie privée, les articles que vous... Il y a même une question qu'on va vous poser. Aimeriez-vous que vos articles soient publiés au public ou bien ça reste du domaine de vous-même? Et même quand vous le faites, elle a utilisé une expression, le cryptage. Cryptage. Il faut bien vous éduquer sur le cryptage en termes... Le cryptage, c'est un terme en informatique. Il faut bien vous éduquer là-dessus. On va vous montrer comment faire ce cryptage-là. Toute cette gymnastique avant de poster quoi que ce soit. Et de trois, elle a souligné le problème de nudité. Il y a certaines parties qu'il ne faut pas exposer. Vous êtes tellement excité de vouloir montrer ce qu'on appelle en anglais « your manhood ». Donc, vous voulez prouver votre... vous voulez prouver que vous êtes un homme, hein, un véritable « ndouman », comme on dit chez nous, « dibal », chez les pounous. Vous voulez le prouver. Dans ce cas, évitez d'exposer le reste de votre corps. C'est mieux de couper une partie. Ça doit être seulement la partie concernée. Et vous verrez que même la partenaire va dire, mais oui, la virilité, bien sûr. Vous verrez que la personne va vous dire, que, mais non, mais est-ce que ça, c'est vraiment vous? Vous êtes sûr que c'est vraiment vous? Non, c'est pas normal. Elle a des doutes. Peut-être qu'elle s'est dit, non, cette taille-là, c'est un coupé-collé qu'on a dû transférer d'un porn à vous. La personne va insister, mais ne tombez pas sur ce piège-là. Parce que la photo indique bel et bien que ça vient de votre téléphone. Vous dites à la personne, ben, si vous avez des doutes, ben, analysez la photo, vous verrez bien, ça va vous dire l'origine. Parce que quand c'est piqué et volé d'un site, en fait, cela le signale. Il y a des gens qui le savent. On n'a pas besoin d'être ingénieur en informatique. Donc, cela est très, très important. Le réglage sur le privacy, sur la partie privée. D'accord? Votre téléphone à vous, c'est pareil. Vous rentrez dans le settings, donc dans la partie de réglage de votre téléphone, vous pouvez faire tout ce jeu-là. Maintenant, si vous ne connaissez pas, comme l'a dit Mam Koumba, allez-y sur Google ou bien allez-y voir un gars qui fait ce qu'on appelle la maintenance industrielle en informatique. Il va vous aider. Et il y a des gens qui le font gratuitement. Je connais un jeune Togolais qui est réputé actuellement en Afrique, qui fait des petites vidéos sur WhatsApp. Il vous montre comment le faire. C'est disponible. Et ensuite, n'oubliez pas que lorsque vous prenez une photo de vous et vous vous dites, vous avez déjà fait tous ces paramètres-là, et vous vous dites que non, je l'envoie seulement à ma fiancée ou je l'envoie seulement à mon fiancé. Vous avez cette ferme assurance que c'est une seule photo que vous envoyez à une seule personne. Mais à votre grande surprise, cette photo peut se retrouver ailleurs. Pourquoi? Parce que nous commettons souvent l'erreur suivante. Nous faisons delete, donc annuler, effacer, erase. Quand vous effacez, mais vous n'avez pas remarqué que l'ordinateur ou bien votre téléphone va vous dire « sent to trash » ou bien « envoyé dans la poubelle ». Maintenant, d'après vous, vous êtes à la maison, vous vous débarrassez de toute la saleté de la maison, vous dites « ah, moi, je ne veux plus voir ça ici, là ». Vous partez jeter à la poubelle publique, à la décharge publique. Mais dans cette décharge publique, les gens ne vont pas voir ça. Les gens vont toujours avoir accès. Donc, rassurez-vous que lorsque vous mettez « delete » ou bien « effacer », vous le mettez carrément dans la poubelle, c'est la poubelle du téléphone. Mais ça ne veut pas dire que c'est complètement disparu de votre téléphone. Par quel miracle ça va disparaître? Ça n'a pas disparu. C'est dans la poubelle du téléphone. Mais cette poubelle du téléphone, je ne sais pas si vous le saviez, moi je l'ai appris, cette poubelle du téléphone a une durée quelconque avant que ces archives qui sont dans la poubelle se reviennent en surface. Mais quand ces histoires-là vont revenir en surface, ce n'est pas forcément dans votre téléphone. Ça peut être dans le téléphone de la personne auprès de qui vous avez envoyé ces choses-là. Voyez-vous? Voilà pourquoi. À un moment donné, vous commettez l'erreur d'envoyer votre nudité chez X ou Y, après vous effacez. Cette personne-là, par inadvertance, plutôt par prudence, a peut-être sauvegardé la photo. Même si vous l'enlevez de votre mémoire, mais ce n'est pas enlevé dans la mémoire du receveur. Parce que le receveur a sauvegardé cela. Je ne sais pas si on se comprend. La personne a sauvegardé. Donc, du coup, il a sauvegardé dans sa carte mémoire à elle. Mais c'est pas, même si, je répète encore l'étape, photo reçue, peut-être quelques minutes après, vous vous dites, oh, mais tiens, non. Ah, les filles d'aujourd'hui, là, on ne sait jamais. Moi, je veux être président un jour, peut-être qu'elle va exposer ça pour me mater. Oh, je suis marié. Vous annulez. Mais pendant que vous annulez, la personne là-bas a sauvegardé cette photo parce qu'elle prend plaisir à la regarder. Donc, elle se retrouve sauvegardée dans sa carte mémoire. Même si vous enlevez, c'est vrai qu'à un moment donné, ça ne va plus apparaître sur son écran, mais elle rentre dans sa carte, dans la sauvegarde. Ça, elle va retrouver ces éléments. Donc, personnellement, si vous voulez le conseil d'un sage, certaines personnes me posaient la question, mais le maître qui nous donne des leçons, est-ce que lui ne l'a jamais fait? Moi, je ne suis pas né au monde à l'époque qu'on appelle de la technologie comme nous le sommes aujourd'hui. Nous sommes des hommes. Il arrive qu'on fasse certaines bêtises. Mais je vous dirai, le conseil d'un homme sage, n'osez même pas. N'osez pas le faire. Un point, barre. Ne le faites pas. Ne prenez pas cette luxure. Vous prenez la photo et puis voilà, clac, vous envoyez. Je connais des parents au Gabon qui ont été traumatisés. Vous savez de qui je parle. Un grand frère que je respecte très bien, un grand maître initié, et même sa fille est initiée. Mais elle s'est permis à faire certaines photos. Mais il y a des gens qui, inadvertance, par peut-être chantage, ont exposé ces photos sur les réseaux sociaux. Vous savez de qui je parle. Et ce grand frère était perturbé, le pauvre. Il a failli même attraper AVC pour ça. Parce que c'est sa propre fille, l'honneur de sa fille. En plus, elle porte le nom du papa. Ça a dérangé beaucoup de gens. C'est un exemple parmi tant d'autres. Tout récemment, il n'y a même pas deux semaines. On ne va pas citer les noms. Vous savez ce qui se passe. Là, je parlerai de tout récent, il y a quelques jours. Bon là, par respect, il y a une maman qui dit que non, son mari est sûrement concerné par cette affaire-là. Donc, je ne veux pas trop mettre l'accent dessus. Vous, qui êtes des généraux, des hommes, des ministres, et même des jeunes cadres, vous n'avez pas besoin de prouver votre virilité en envoyant une photo à une femme. Elle est libre de vous croire ou ne pas vous croire. D'accord? Elle est libre de vous croire ou ne pas vous croire. Une femme qui insiste, non, je veux voir votre nudité. Vous lui dites, madame, ce n'est pas nécessaire. Je suis un homme viril. Si vous voulez le savoir, mais qu'on se retrouve. C'est aussi simple que ça. Ça, c'est le conseil, mon avis à moi, en tant qu'initié. Et c'est ça qui m'a amené pour conclure sur le danger que cela représente dans le plan mystique. Mais avant d'en arriver là-bas, je suis déjà en train de vous sensibiliser que, en temps normal, laissez le téléphone tranquille. Moi, j'aime bien parfois prendre des photos. Par exemple, là, vous avez vu, j'ai une nouvelle coiffure, là. J'ai fait une photo, c'est celle que j'ai postée sur, on appelle ça, sur mon profil Facebook. Oui. Essayez un peu de montrer une nouveauté. Voyez-vous? Ça, c'est normal, c'est mon visage, mais je le charge, rassurez-vous. Avant de le faire, je charge ce que je charge, je poste. Je vous avais déjà parlé du danger. Quand vous prenez une photo, il y a des attitudes qu'il faut faire. Il y a des respirations. Il y a des techniques de respiration. Il y a des mots qu'il faut prononcer dès qu'on vous prend une photo. Et quand quelqu'un vous invite à vouloir faire une photo, on ne... Bon, je vous en parle, hein, puisque c'est ça le but de Tétan Zabé. Il n'y a rien de machin. Cette technique que je veux partager avec vous, avant de passer à l'aspect négatif mystico-spirituel, reste valable pour tout le monde. Que vous soyez initié ou pas, parce que vous soyez initié ou pas, quand vous n'appliquez pas ces règles simples-là, on peut atteindre facilement votre âme. Voilà ce qu'il faut faire. Sauf si c'est une photo surprise. Mais la photo surprise veut dire on ne vous prend pas la photo de face. Une photo où on ne vous prend pas de face, on ne va jamais vous faire du mal. C'est faux. Celui qui vous dira cela, c'est faux. La photo où on fait du mal, c'est là où vous me regardez, face à face. Vous me regardez bien là. Voyez-vous? C'est cette photo qui montre mes yeux, mon troisième œil, ma bouche, en un mot. Parce que ici se retrouve représenté mon être divin. Donc la photo qu'on vous prend là, c'est celle-là qui crée un danger. Voilà pourquoi. Vous verrez que la plupart des grandes, des administrations vont toujours vous demander des photos qui ont moins de 6 mois. Ici aux États-Unis, on vous dira, faites une photo qui a au moins 2 semaines avant de faire votre passeport. Il faudrait que cette photo ait moins un certain âge. Il y a des raisons parce que la photo vit. La photo vit. Vous voyez, là, ils le font dans le plan matériel comme ça, que cette photo-là, il faut... Et ça, je vous parle, ceux qui sont aux États-Unis avec moi. Renseignez-vous auprès d'eux. Là, j'ai un dossier de l'immigration, là, des amis que j'aide. On existe, là. Il faudrait que cette photo ait un certain âge. Et dans le plan mystique, c'est pareil. Une photo qui a déjà dépassé, je l'explique dans les 5 conditions exigées pour qu'un sorcier puisse faire des travaux mystiques pour vous, ou bien pour qu'un sorcier puisse vous envoyer des démons ou des entités pour travailler pour vous, dans le cadre de la talismanie pratique. Souvenez-vous, on vous parle de quoi? La salive. Hein? Vos salives, on demande. Le sang, on demande. Il faut vous blesser. On demande vos ongles. On demande quoi? On demande vos cheveux. Et enfin, on demande quoi? La photo. Parce que la photo est le reflet de votre âme. Voilà pourquoi à l'époque de Kodak, ça c'est le vieux papa Mienson Joseph, apôtre gentil, qui me l'avait appris. Une photo, quand vous la prenez, on la lavait, il y avait toute une technologie. Parce qu'il y a un grand mystère derrière la photo. Bref, voici mon conseil, ne faites pas. Oh tiens, la technique, parce que beaucoup sont impatients. La technique, elle est simple. Sûrement vous la connaissiez, mais faut-il que je vous le rappelle. Quand vous prenez une photo, clique. Vous avez vu ce que j'ai fait? J'ai bloqué ma respiration. Vous êtes dans un milieu politique. Vous êtes là, on vous a invité dans des associations, des histoires, des partis politiques. Même dans un mariage. Si vous êtes un homme de lumière, si vous êtes un mystique, vous verrez les gens qui vont courir autour de vous. Oh non, papa, viens, on va faire une photo. Viens, on va faire une photo. À chaque fois, surveillez bien les photographes. S'ils sont trop nombreux derrière vous, vous leur dites non, chacun son tour. Et quand ils passent devant vous, même s'ils sont 10, coupez votre souffle. Un véritable homme en bonne santé peut couper son souffle jusqu'à 2 minutes. Moi, je le fais jusqu'à 1 minute 30 secondes. Donc, coupez le souffle. Là, je l'ai fait en 25 secondes. Mais voyez, regarde le temps que ça a pris. Ça fait combien? C'est comme si ça durait 1 minute, n'est-ce pas? Donc, vous bloquez et vous prenez la photo. Vous verrez, même si vous êtes nu, on ne va pas vous pénétrer. Bien, passons maintenant à l'aspect mystique. La maman venait de vous le dire. Moi, j'ai vécu cela au lac Kazingo. J'étais avec ma grand-mère et mon grand-père au lac Kazingo. Ça se passe en 1975. Et quand on est là-bas, voilà des gorilles en colère. Des gorilles. Parce que le vieux aimait faire la chasse. Là, on avait tiré sur des singes. Il avait pu y avoir 2 singes. Et il y avait également une gazelle. Et là, on se retrouve, il y a un troupeau de gorilles. L'un des gorilles, et vous savez que les gorilles masculins, les mâles, autant pour moi, n'aiment pas la présence d'un autre homme, la présence d'un autre mâle, un mâle humain. Ça, vous le saviez, même allez-y observer dans les zoos. Donc, du coup, le vieux était là et la vieille était quelque part. Mais comme il y avait 3 femelles autour et un seul mâle, La présence donc du vieux et moi j'étais encore tout jeune, a mis mal à l'aise ce gouri. Donc le gouri commence à s'agiter. Et le grand-père m'avait montré une technique. Il dit, quand tu constates cela, coupe les branches, hein, des arbustes, là, coupe ça, et tu secoues, et tu cries. Et quand tu le fais, le gouri va reculer. Mais ne tourne pas le dos au gouri. Sois en face quand tu le fais. Donc, au fur et à mesure que tu le fais, tu recules. Donc, pendant que je le faisais, le vieux le faisait, on reculait. Mais la grand-mère, comme elle est initiée et connaît tous ces grands mystères, elle a plongé devant ce gouri. Elle a enlevé son pagne. Elle a tout enlevé, elle s'est mis nue, les seins et tout. Ce n'est pas qu'on a dit en 1975, septembre 1975, j'ai vu ce gorille-là baisser le visage, tourner son dos et repartir. Donc, ce qu'elle a dit, Mme Koum peut-être ne l'a pas vécu, mais moi j'ai vécu ça en septembre 1975 au lac Azingo à Lambaréné. Mais quel est ce mystère qui fait en sorte que une femme se mette nue, un gorille, le gorille qui est un animal, baisse la tête et se met à pleurer. Pleurer et tourner son dos et fuir. Vous qui êtes dans les grandes villes, vous qui êtes avec moi aux États-Unis, vous les jeunes d'aujourd'hui, qui êtes nés dans les années 70, ou bien les années 80 ou 90, vous aurez sûrement des difficultés comment dirais-je, à comprendre ce que j'ai dit ou à me croire. Venez avec moi pendant les grandes vacances. C'est pour ça que je vous demande d'aller un peu dans les grands villages. Allez-y à Mekambo. Allez-y à Nzola. Allez-y à Azinko. Allez-y à Mwelmangondo. Allez-y dans ces coins reculés-là, s'il vous plaît. À Mayonami. À Mayonami, dans le département de Ndougou. Vous verrez les grands mystères. Donc, ceci, juste pour appuyer, pour soutenir ce que Mme Koum vient de dire, la femme a un grand pouvoir là. C'est un triangle. C'est un grand triangle. Vous connaissez, vous le savez. Même dans la Kabbale, ce n'est pas ce qu'on nous apprend. Je vais vous montrer un secret de la Kabbale noire, donc la Kabbale dangereuse. Je parle du premier triangle qui part de vos deux épaules. Ça part des deux épaules. Ici, voilà, côté droit. Yesod est pointé directement à votre appareil génital en connexion avec la lune. Et l'autre, c'est au niveau de vos deux reins qui sont localisés ici. Bien sûr que ce n'est pas là, mais c'est ici. Oh, les yesod. Bien, ceux qui aiment apprendre, dans la vie, il faut apprendre. Allez-y m'étudier cette partie-là. La partie qui part de Rebura, Yesed, directement. Yesod. Yesod est lié à votre appareil génital. Le pouvoir qui vient du divin pour la manifestation de la vie et de la reproduction sous couvert de la lune qui régule et contrôle toutes les humeurs de l'homme afin de donner le pouvoir à l'homme de créer une créature dans le plan matériel. Un bébé verra le jour pour arriver à Malkout, la matérialité, l'élément numéro. Comment dirais-je? La matérialité. Parce que la matérialisation est un phénomène qui part depuis le haut là-bas. Bref, je parlais de ces trois mystères-là. Les deux triangles, ces deux triangles. Je ne suis pas allé à Tiferet, au niveau du cœur, parce que c'est le cœur. Et Keter et Tiferet, sous couvert de dates, ce sont eux qui contrôlent la divinité supérieure. Donc, le triangle supérieur qui est connecté avec la triade supérieure qui est la manifestation du Dieu suprême par pouvoir délégatoire. Mais les triangles inférieurs, les deux derniers qui pointent vers le bas, ça va vers où? Vers Malkout. Et voilà pourquoi les hommes sont esclaves du sexe. Voilà pourquoi les hommes ne peuvent pas s'en passer. Voilà pourquoi on dit que la tête, la deuxième tête de l'homme, c'est le bas. Mais pourquoi je parle de cela? Le gorille pleure. Il voit la maman. Ma grand-mère s'est mise nue. Et le gorille s'est mis à pleurer. Le gorille ne comprendra pas ce mystère. Mais moi, je vous parle en tant qu'initié. Voilà un grand mystère qui montre le côté sacré du sexe de la femme. Le sexe, la femme, ce n'est pas seulement forcément son vagin. Le sexe, la femme, c'est ses seins, son nombril et son vagin. Voilà. Voilà les grandes parties sacrées d'une femme. Une femme que vous savez bien jouer avec ses seins, vous savez bien jouer avec son nombril, donc le bas de son ventre, et qui vous savez bien jouer avec sa partie de l'entrée de son vagin, donc ce que vous appelez en bon français le clit, eh bien vous aurez permis à cette femme d'atteindre les grands mystères de la vie. Mais ce sont ces parties essentielles qui sont sollicitées dans la plupart des hautes pratiques de la haute magie. Vous n'êtes pas au courant? Ceux qui font la ritualie, là, ce qu'on appelle les pratiques de... Enfin, on appelle ça comment même? Les crimes rituels. Mais les crimes rituels, on prend quoi? Les crimes rituels, généralement, on prend les totos, les tétons. Pourquoi on prend les tétons? Mais ça symbolise la vie, non? C'est à travers le téton que l'enfant prend le machin, le sein, et le lait, elle titille le lait. C'est ça qui lui donne la vie. Le nombril, c'est le cordon ombilical qui donne la vie. La connexion avec le cordon ombilical mystico-spirituel. Mais le clit, mais je vous l'ai toujours dit que le clit, c'est le pénis de l'homme. Puisque l'enfant, avant 6 mois, n'est que la forme d'une femme. Il y a des preuves scientifiques qui l'ont prouvé. Jusqu'à 4 mois, pourquoi les médecins refusent que vous fassiez l'échographie pour savoir, pour identifier le sexe, si c'est un garçon ou une fille? On ne va pas vous le faire à 3 mois ou 4 mois. C'est faux. Parce que vous verrez toujours que c'est le clit qui est là. Donc, le pénis de l'homme se forme à partir du clitoris. Et les testicules se forment à partir des ovaires qui sont sous la partie vaginale et du bas de la femme. Bref, ça, tout le monde devait le savoir. C'est la science qui l'explique. Mais tous ces grands mystères, c'est la vie. C'est la vie qui est là. Les peuples peulent, et bien certains traditionnalistes de l'islam, des extrémistes islamistes, j'ai vu cela en Somalie, je l'ai vu ici. Je connais des jeunes somaliennes qui fréquentaient les universités avec moi ici, qui ont leur partie là-bas incisée, coupée. Vous savez ce que c'est? Il y a même des mouvements créés en France qui luttent contre cela. Est-ce que vous savez pourquoi on incise le pénis? Enfin, c'est ça, le clit d'une femme. Mais c'est à des buts mystico-spirituels. Quand vous allez discuter avec les grands initiés somaliens, maliens, et même sénégalais, dans certains coins de l'Afrique de l'Ouest, ils vous expliqueront que c'est des grands mystères. Parce que chez nous, au Gabon, en Afrique centrale, en Emo, nous, le peuple bantou, on ne pratique pas trop ces choses. Mais nous, le peuple bantou également, nous avons une raison. Pourquoi nous, dans le Bouiti du Zumba, on nous interdit de mettre la bouche là-bas? J'ai sorti une vidéo ici. Ne mettez pas la bouche là-bas. C'est sacré. Mais vous, les jeunes, vous n'allez pas comprendre cela. Bon, on est allé trop loin. Quelle est la relation entre une simple photo? Vous vous photographiez, vous envoyez, mais comment quelqu'un peut vous pénétrer? Considérons 3 aspects. Le premier aspect, je prends le cas de quelqu'un qui est membre de loges. Oui, je pèse mes mots, je suis un ancien membre. Je n'ai pas démissionné encore, mais je sais ce qui se passe dans les loges maçonniques. Ici, aux États-Unis, il y a certaines fêtes que nous célébrons. Le 22 juin, le 22 septembre et le 24 décembre. Je répète, le 22 juin, le 22 septembre et le 24 décembre. Ce sont des fêtes. En dehors de ça, nous avons également, oui, toujours dans le mois de juin, mais pas le 22 juin, c'est la fête de Jean. Souvenez-vous, Jean, celui dont on avait coupé la tête, Hérodiade, la fille d'Hérode, souvenez-vous, elle avait demandé quoi comme cadeau de son anniversaire? Elle a dit au père, il faut m'amener la tête du mec là que tu as pris comme prisonnier. Histoire chrétienne modifiée, mais une histoire ancienne vraie. Sauf que le contexte historique diffère tout petit peu. On a pris la tête de quelqu'un. Bref. Ici aux États-Unis, donc les dates que je vous ai données là, 22 juin, 22 septembre et le 24 décembre, ce sont des dates historiques pour certaines branches maçonniques et dont je fais partie. Ce n'est pas toutes les loges maçonniques qui font cela, mais la majorité des loges maçonniques célèbrent la date du 22 juin et le 24, le 22, qu'on appelle ça, le 22 septembre. Vous savez, c'est là où on fait les rites des équinoxes, hein, en décanope et en canope, hein, la circulation des équinoxes en fonction. Pardonnez-moi, il y avait des petites caprices au niveau de Internet. Sur le phénomène du papillon, comment le... Je reprends ceci aux États-Unis. Durant ces périodes-là, on invite des célébrités. On invite une jeune femme pour venir s'exhiber nue dans un endroit bien approprié, devant des grands maîtres. J'ai assisté à cela 3 fois. Je me suis dit, mais c'est quoi cette affaire? Ils m'ont invité comme observateur, puisque je suis membre. Depuis 1999. Je vous l'ai toujours dit, je ne vous cache pas ma vie. Donc, les maîtres sont là autour. Ils forment un cercle. Et cette dame se met à s'exhiber toute nue. Elle se met en face d'eux. Ils ont même posté une vidéo par erreur, mais elle a été deletée automatiquement. D'une dame qui est légalement mariée à son mari, et son mari également était membre influent des loges. Tous deux des noirs. Ça, c'est un exemple qu'ils ont pris. Mais je suis rentré dans les milieux. On invite certaines personnes, des femmes de haut rang ou des femmes de célébrité, ou n'importe quel milieu, mais l'essentiel qu'elles soient dans ce milieu des francs-maçons. C'est durant ces périodes-là qu'on leur demande de danser nu. Tout comme ma grand-mère s'était présentée nue devant le gorille. Le gorille a fait quoi? Le gorille a senti le pouvoir. Mais chez les humains, c'est durant cette période où il y a des incantations qui sont faites. J'espère que YouTube ne viendra pas me sanctionner. J'espère bien. Il y a des incantations qui sont faites. On appelle ça la technique d'adoration de la femme. La première femme que l'homme a fui, qui s'appelait Lilith, mais qui est devenue soi-disant la mère des démons, la mère des femmes des eaux, celle qu'on appelle Lilith. Allez-y encore, vous développez, décultivez-vous, parce que je ne veux pas parler de ça, on n'est pas là pour parler de ça, ce n'est pas le contexte, mais renseignez-vous qui était Lilith, faites un peu de recherche, ou allez-y dans mes forums là-bas, posez-moi la question, et je vous dirai dans les détails qui était Lilith, et les raisons pour lesquelles Adam ne pouvait plus supporter cette femme-là, parce que son pouvoir était là. Les deux seins, le nombril et son vagin. C'est là où se trouve tout. Mais vous verrez que le haut, les deux seins finissent toujours en bas. Je vous ai donné l'exemple sur la Kabbale, non? Honetza Yesod. Hebura Yesod. Tout finit toujours par Yesod. Yesod là. Yesod se trouve là. Dans le yoga, on appelle ça Yesod se trouve où? Au premier chakra. Parce que c'est le premier chakra de la création. C'est le premier chakra qui vous détermine la montée du serpent Kundalini pour l'éveil de votre conscience divine en sommeillant vous. Donc, le pouvoir, le rapport entre le sexe dans la photo, ça n'a aucune différence entre la réalité de ces activités qu'on fait. Et là, ce sont les femmes. Mais les hommes le font également. On appelle ça les messes noires. Il y a des messes noires qui sont organisées dans certaines loges, où les gens se mettent nus. Savez-vous que la planète qu'on appelle Vénus, il y a une fête de la mer. Il y a une fête qu'on appelle la fête de la mer Vénus. Vénus, la planète de l'amour. Mais quel rapport y a-t-il entre Vénus? Comment les gens l'ont su? Vous pensez qu'on est dans l'imaginaire? Vénus, la déesse de l'amour. Il y a également un calendrier où on observe la fête de Vénus. Mais durant ce jour, Là, je vous parle des pays des Blancs. Les hommes se mettent nus. Il y a des érections incontrôlables. Vous ne pensez à rien. C'est même parce que vous avez fait le riz. Mais ça a été rattrapé un peu et adapté dans certaines loges en Afrique. Quand vous verrez des grands hommes politiques influents exposer leur appareil génital et balancer ça, c'est différent, comme disait Mme Koumba. Ce n'est pas que le monsieur fait ça pour garder là, caché dans son téléphone. Non, il le fait exprès. Ça s'appelle faire la pêche aux âmes faibles. Voilà pourquoi il y a une maman, quand elle m'a balancé ça, je vous interdis à partir d'aujourd'hui, les gens qui vous balancent ce genre de vidéos-là, si vous n'êtes pas un initié, n'osez même pas ouvrir. Parce que ça, c'est une forme de pollution sélective et en série. Vous êtes pollué de manière sériale, si je parle sur le mot existant, c'est-à-dire que vous êtes sur cette série des individus qui vont être pollués mystiquement et spirituellement avec ces histoires-là. Bon, bref, ceux qui sont en Afrique, qui sont dans ces loges-là, qui font des messes noires. Souvent, il y a des techniques secrètes et celle-ci, elle peut expliquer au public. Et c'est pour cela, la plupart des gens à qui je pose la question, est-ce que vous savez qu'en exposant votre vagin ou votre pénis sur vidéo, vous exposez votre âme? Me dit, ah, mais non, nous, on ne le savait pas. Maintenant, je vous l'explique. Ici, je l'ai appris d'abord ici, moi. Et c'est comme ça, quand je suis allé faire un tour dans certains pays, y compris au Gabon, j'ai discuté avec certains initiés, ils m'ont dit, pardon, il ne faut pas aller trop loin là-bas. Quelle est la différence? Je vous ai posé la question sur ma page Facebook. Quelle est la différence, faites-vous, entre quelqu'un qui prie à distance, puisqu'on le fait dans le Reiki? Au nom de Jésus, je vous bénis. Oui, oui, oui, il y a des messes qui sont dites à distance. Vous avez vu des gens qui guérissent? Bénil, Bénihin, ce type-là, le juif-là, qui est toujours bien blanc là, avec son église, il fait des miracles à distance. Le ministre là, qui paraît soit guéri le sida, celui du Nigeria là, aujourd'hui il fait des miracles à travers l'écran. Il vous dit, posez seulement la main. Il pose la main à distance. Oui, toi qui me regardes, reçois la guérison. Moi, j'ai vu des gens, bon, même si c'est la superstition, moi je ne sais pas trop, mais ce qui est sûr, le pouvoir peut passer dans l'espace et le temps sous couvert de n'importe quel élément, que ce soit de la haute technologie. La technologie est un moyen perfectionné de faire véhiculer des entités et des pouvoirs. Le diable se manifeste à travers le téléphone. Vous pouvez communiquer, vous pouvez faire. Aujourd'hui, il existe, il y a des jeunes qui me demandent d'ouvrir une école des sciences occultes à distance. Mais parce qu'ils ont vu qu'il y a des gens qui le font. Hein? Il y a des Togolais, des Ivoiriens, des Béninois, des Nigériens qui font des cours online de sciences occultes. Il y a des expériences, on vous demande de boire votre sang mélangé avec ceci et cela. À distance, le type fait des expériences, mais vous le faites. Bon, là, c'est des instructions qui sont données, mais il y a des expériences, on vous demande de vous mettre debout. Il y a des gens pour qui je fais des consultations. Je parle au téléphone, la personne m'écoute, mais la personne crie au scandale, mais mon Dieu, comment tu as vu cela? Mais en attendant, la personne est là-bas, dans la zone de Nzolo, donc en Djolé, dans le Moyen-Ouest. Moi, je suis ici, aux États-Unis. Mais comment ça se passe? Mais pourtant, c'est le téléphone, non? Donc, le moyen électronique ne peut pas exclure la mainmise ou l'emprise d'un pouvoir quelconque. Et de surcroît, sous couvert d'une vidéo, il n'y a aucune différence entre la vidéo et la photo. Car la vidéo et la photo, c'est autant des moyens de transmission de votre aura et de vous-même. Monsieur, vous ne venez pas devenu fou. Renseignez-vous auprès de n'importe quel individu. Je vous ai dit, prenez l'exemple des prêtres, des pasteurs qui font des cérémonies de délivrance à distance. Il y a des frères pour qui je fais des séances en vidéo. Bien sûr qu'ils payent un peu plus cher. Je leur dis, mais ouvre ton téléphone. Je fais cela avec un couple là. Hein? Ils sont en Guadeloupe. Ils sont si loin de la Réunion là-bas ou en Guadeloupe. Je leur ai dit, bon, mettons-nous en vidéo. Et en vidéo, je dis, faites ceci, faites cela. Et on le fait. Est-ce que vous ressentez quelque chose? Oh oui, maître, on le ressent. Mais comment expliquer cela? Vous comprenez? Il n'y a aucune différence entre ces trois-là. Il n'y a aucune différence entre l'état physique interposé vis-à-vis, face à face, et une photo et une vidéo. Je vous ai dit qu'avant les années 1980, le système, il y a même des gens qui le font jusqu'aujourd'hui, les appareils photo Kodak, Hein? Vous en souvenez? On fait la photo, on va laver, et puis on fait comme ça. Moi, à Port-Gentil, j'ai appris ça au vieux, auprès du vieux Joseph Mienson. Je ne fais que prendre cet exemple jusqu'à aujourd'hui. Votre ombre est dans cette photo. L'ombre de vous-même qui est votre âme est dans cette photo. Comment expliquer que dans la pratique de la haute magie, je reviens sur cette vidéo, elle est ici, elle dure seulement 10 minutes, hein, je crois. La vidéo est ici, là, intitulée « Quels sont les 5 éléments qu'on vous demande pour pouvoir vous donner une entité ou bien vous confier des démons ou bien vous confier des esprits qui vont travailler pour vous ?» Lorsqu'on fabrique votre talisman, un talisman aux 1000 pouvoirs, par exemple, le talisman aux 1000 pouvoirs, c'est ce talisman-là qui va vous permettre d'avoir les pouvoirs escomptés de tout, des pouvoirs illimités. C'est un article qui coûte autour de 3 ou 4 millions. Mais là-dedans, je ne voulais pas cacher, puisque je représente ces mecs-là, le diplôme, il est là, je le répète tous les jours. Il y a des gens qui commandent. Cet article-là, il vous faut 5 éléments. On demande votre photo. On demande votre salive, il faut cracher dessus. On demande votre sang, il faut vous blesser. On demande vos ongles. Donc, les cheveux, les ongles, le sang, la salive et votre photo. Voilà les 5 éléments. Car avec ces 5 éléments-là, vous ne pouvez pas me dribbler. J'ai votre âme, j'ai votre esprit. Certains d'entre vous, quand je vous fais les consultations, qu'est-ce que je vous demande? Je vous demande toujours quoi? Votre nom de naissance? Si vous êtes marié, je vous dis non, ne me donnez pas le nom de votre mari au tartampion. Donnez-moi seulement votre nom de naissance. Je vous demande votre nom de naissance, votre prénom de naissance, et je vous demande quoi? La date de naissance. Mais pourquoi je demande cela? Mais parce que je rentre avec votre génie de naissance. C'est aussi simple. Je rentre en contact avec votre esprit. C'est aussi simple. Voilà pourquoi quand je vous fais des constations, vous dites, mais c'est pas possible, maître, comment? Waouh, vous, c'est exactement de moi. Hein? Ça n'a rien à voir avec les histoires des horoscopes. Les horoscopes, c'est des histoires d'à peu près. Vous comprenez? L'astrologie, c'est des à peu près. Certes, ça marche à 75%, mais parfois, il faut trouver. Vous-même, allez-y étudier. Moi, j'ai étudié l'astrologie. J'ai un diplôme en astrologie. Je n'y crois pas trop à cela. C'est vrai que les mouvements des astres ont des impacts sur notre vie. Mais lorsque vous prenez le destin de votre vie, vous prenez votre propre bâton de pèlerinage entre vos mains et que vous marchez, vous pouvez opérer un changement radical. Il n'est plus question de dire non parce que vous êtes gémeaux. Les gémeaux sont des gens qui sont carboignés, c'est des boucaniers, ils n'aiment pas, ils aiment les femmes à gauche, à droite. Là, je vous parle de moi, je suis gémeaux. Il n'y aura plus ces histoires-là parce que votre vie est désormais sanctionnée par 3 P. Le premier P qui est le P de la préparation. Vous vous préparez automatiquement afin de créer un revirement dans votre vie et vous passez à la purification. Et cette purification, ce sont des ascèses initiatiques. Lesquels ascèses sont des interdits qui vous demandent désormais de ne plus faire chichi. Ne mettez plus la bouche dedans, respectez la nudité des mamans, n'exposez plus votre sexe à travers la vidéo. Parce que la vidéo, la photo n'a aucune différence entre face à face. La femme dégage un grand pouvoir. La femme, c'est elle qui est le sceau du pouvoir. Si vous voulez tout savoir. La maman vit encore, non? Celle qui avait dit à quelqu'un, je suis le... Toi, tu es le sang, mais moi, je suis la veine. Vous rappelez la chanson Gaëla? Vous rappelez la chanson? Vous pensez qu'elle est fou bête quand elle chante ça comme ça? C'est une initiée, cette dame-là. C'est une maman qui est dans le jobby, non? Allez, je lui demandais. Je ne suis pas en train de parler mal d'elle. Mais quand j'ai écouté cette chanson, moi je me suis rapproché auprès de ses sœurs, des personnes qui la connaissent très bien. J'ai pris tous mes renseignements. Dans le djembé, je ne suis pas initié du djembé. J'ai un grand frère qui est initié au djembé. Les hommes, c'est peut-être 2% d'hommes qui rentrent dans le djembé. C'est un rite qui est réservé aux femmes. Et je vous dis, moi, mon grand frère est là-dedans. Le djembé, il y a des grands secrets. Le vrai secret de la femme, on vous dira. C'est ça. Dans le Bouiti, parce que les gens aujourd'hui ne comprennent pas quand on leur parle. Dans le Bouiti d'Izumba, tout véritable homme, même initié du Bouiti d'Izumba, ne pourra jamais se permettre des histoires, de faire des histoires de cave. Ça a commencé comment? On vous a dit que c'est forcément la cave qui va donner le plaisir à une femme. Voilà pourquoi j'avais sorti une vidéo aussi. Bon, YouTube m'a sanctionné, il m'a dit non, c'est un peu trop pornographique, là on ne va pas te payer. Mais la vidéo, elle est là, elle est disponible. Allez-y me vérifier. Allez-y m'écouter cette vidéo. Il y a des alternatives qui peuvent permettre à la femme de vibrer jusqu'à la septième dimension ou aller au septième ciel sans nécessairement passer des histoires des caves. Et en plus, les caves, ces histoires-là, Il y a cave et cave. Il y a des gens qui ne savent même pas ça. On vous a dit, on va plonger la bouche n'importe comment. Aller mordre, mettre les dents n'importe comment. Blesser la pauvre maman. Ou bien les histoires d'essoufflation. Faire rentrer de l'air dans les fesses de l'homme. Toutes les choses que vous faites, vous les jeunes. Le corps de l'homme est sacré. Même vous les chrétiens, l'apôtre Paul vous le dit, non? Que vous êtes le temple de Dieu. Nous, initiés, nous considérons que notre corps est le temple de Dieu et par conséquent, on ne peut pas se permettre de l'exposer n'importe comment. Je ne peux pas me permettre de me mettre nu devant une autre femme. Non. Et se mettre nu physiquement, tout comme à travers une photo, tout comme une vidéo. Donc, conclusion. Ces pratiques, je vous ai dit le 22 juin, 22 septembre, 24 décembre, c'est des pratiques où on échange des pouvoirs. On paye cette femme-là qui se met à danser nue parce que la femme a mille et un pouvoirs. La femme est un puits inépuisable. La femme, comme on le dit enfant, je ne peux pas le répéter enfant, la femme c'est un maïs. Mais si tu as des dents qui sont caloignées, tu ne peux plus manger le maïs. Le maïs va se moquer de toi parce que la femme a mille et un pouvoirs. La femme est un grand réservoir d'énergie. Elle en a tellement. Et de surcroît, lorsqu'elle est initiée, c'est grave. Voilà pourquoi il y a beaucoup de nos frères qui profitent des sorties de petites qui sont initiées pour vouloir voler leur pouvoir. Et j'ai des mamans qui se confient à moi pour cette question-là. Frère, un véritable initié n'a pas besoin de voler le pouvoir d'une jeune femme. Et on vole les pouvoirs comment? Vous savez par comment? Le type, quand il expose son appareil génital à travers la vidéo, où est la différence lorsqu'il va venir devant toi? Allez, regarde ça ici. Regarde-moi ça. Regarde ça. Et toi, si bêtement, tu regardes. Mais c'est comme ça, il prend tes pouvoirs. Le reste, je ne veux pas développer. Mais je crois que depuis le début de mes propos, je vous ai déjà dit, le gorille qui se met à pleurer, à baisser la tête devant ma grand-mère. J'ai besoin de vous expliquer le grand mystère. Parce que le sexe dégage un pouvoir. De sur quoi le sexe, la femme? Voilà pourquoi les femmes vivent plus longtemps que l'homme. Qui avait ressuscité le corps? Regardez le dessin derrière moi, là. Ce n'est pas un dessin, hein, c'est un tissu qui vient droit de l'Égypte. Il y a beaucoup de grands mystères derrière. Beaucoup de mystères. Vous connaissez l'œil que vous voyez là. Vous connaissez l'autre œil qui est au-dessus. Mais qui a fait tous ces grands mystères? Vous connaissez qui était Osiris? Que les gens racontent n'importe quoi et que moi-même j'ai vu Nébulon. J'ai vu Anubis. Anubis, le dieu faucon qui participa à l'initiation des gens dans le grand temple. Parmi les 12 fils de Thoth, Isis, vous savez qui elle était? C'est elle qui a ressuscité. C'est elle qui a donné la vie à Osiris. C'est elle qui a donné naissance à cet enfant immaculé, appelé Horus, modifié plus tard et appelé un certain Jésus-Christ de Nazareth. C'est cette maman-là. C'est elle qui le tient pour les pouvoirs. Je vous ai parlé de Lilith. Lilith, la première femme que Dieu confia à l'homme, égale à l'homme, mais plus puissant que l'homme. Voilà pourquoi Teta Mwanga dit, toi là, non, tu es trop calboigné. Disparaît. Elle disparut en regardant le nom de Dieu, sous couvert des 4 tétragrammatones. Et elle fut absorbée par ces 4 grands tétragrammatones. C'est écrit dans les vieilles archives du latin, et même dans les vieilles archives historico-mystico-spirituelles. C'est rapporté. Allez-y, faites des recherches. Tapez. Lilith, qui était-elle? Pourquoi elle a disparu? Elle a été absorbée par quoi? Puisque vous êtes trop là, carboigné avec vos histoires de Bagougou. Même Google va te dire, oh, moi, pardon, moi, il y a tel écrivain qui a dit ça, mais je ne vais pas vous donner les détails. Et cherchez à m'acheter le livre de ce type-là. Si ça existe en ligne, bien sûr. C'est des informations que je détiens depuis les années 82. Lilith. J'ai commis l'erreur de vouloir la regarder en vampire, mais je n'ai pas pu, parce que je ne voyais que du feu et de la poussière. Lilith. Bon, laissons un peu Lilith de côté. Ève. Vous les chrétiens, là, n'est-ce pas, on dit que c'est à cause de la femme que le péché est venu au monde. L'homme était carboigné, non? Non. La preuve, quand Dieu lui demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, mais c'est pas la femme que tu m'as donnée, là, Yayo. La femme que tu m'as donnée. Donc, il ne fallait pas que Dieu lui donne une femme. Il met le blâme sur Dieu, parce que Dieu lui a donné une femme, parce que Dieu lui a donné une déesse, parce que Dieu lui a donné le pouvoir. L'homme qui expose son pénis, la plupart des hommes qui le font volontairement et intentionnellement, c'est dans le but de voler les énergies des gens. Ce sont des gens qui sont dans des sectes. Je vous ai déjà dit, il existe ce qu'on appelle des messes noires. Et dans ces messes noires, il y a des méthodes. Soit c'est votre photo, soit c'est votre... Maintenant, avec la nouvelle technologie, je vous ai dit que le pouvoir passe. Vous avez ouvert vos oreilles? Le pouvoir passe par la photo. Et si c'est toute cette photo, elle a moins de 6 mois, on vous vole votre énergie. Et je vous ai montré la technique, non? Quand vous allez faire une vidéo, bien une photo, prenez la photo, bloquez votre respiration. Et quand le type va regarder, ça dit, eh, qui est? Mais maman, je t'ai demandé de m'envoyer une photo, mais tu es bizarre, hein? Quand il commence à dire ça, jeune femme, sachez que le type veut te voler tes forces. Mais comme tu as bloqué. Or, la vie est dans votre souffle. Et Dieu insuffla dans les narines de l'homme le souffle de vie. Et cet homme devint une âme vivante. Il devint alors Dieu. Et c'est ainsi que l'homme devint Dieu. Votre vie, votre divinité est liée avec votre souffle. Voilà pourquoi j'ai mis en place une technique qu'on appelle l'oprès. L'oprès, c'est, si vous voulez, le moteur démarreur de toute forme de pratique sorcière, magique, initiatique. Et je suis le seul à avoir mis en place cet enseignement. Les papiers sont là, le livre va sortir. Comment utiliser l'oprès dans toute forme de magie, quelle que soit l'origine? L'oprès, c'est quoi? P pour penser, modulation de votre pensée, sous couvert des 3 éléments au niveau de votre pensée, car il faut contrôler votre corps mental, comment le juguler, sous couvert des ondes cérébrales. Quelles sont ces ondes cérébrales qui passent par θ et δ? Mais qu'en est-il de l'onde alpha? Donc, tous ces phénomènes passent par le P. Et ensuite, le R, respirer. Il y a 3 formes de respiration, mais j'insiste beaucoup sur la respiration abdominale, car c'est celle-là. On vous apprend à garder la colonne vertébrale droite, et celle-là, vous allez réguler et réveiller le serpent qui sommeille en vous. Même dans le bouette, on bouge les reins, on bouge. Parce que c'est de la base. Donc, il saute. Le vagin de la femme que vous le regardez admirer dans les vidéos. Le bangara de l'homme que vous le regardez. C'est là le grand pouvoir. Donc, par la respiration, vous intégrez ce pouvoir sous couvert de l'esprit. Là, nous arrivons à la lettre E. Sous couvert de l'énergie. Et T, c'est enfin le toucher et la réalité, matérialité. Voilà le prêt. Pensée, respiration, énergie ou esprit sous couvert du toucher. Et vous allez éveiller votre âme sous toutes les formes des dimensions. Et vous aurez compris que vous êtes un véritable être illuminé. Pas les histoires des conneries de l'Illuminati pour aller faire des histoires de messes noires et empoisonner toutes les belles loges maçonniques que j'ai connu depuis le 18e siècle, modifié plus tard à partir de 1990, en tolérant les femmes de rentrer dedans et de planter des règles des femmes avec des conneries à gauche à droite. Bref, pardonnez-moi, parce que je connais trop ces grands mystères. Oui, la vidéo de l'homme que vous voyez rigoler, même si son appareil est petit, pourquoi il rit? Un véritable homme doit poster cette affaire-là pour prouver aux gens qu'il a la virilité, qu'il est un dominant, qu'il est vivant, Zanomé, en Edibala. Oui, un véritable homme en moyenne, c'est petit là. La moyenne, c'est 18 cm. Oui, si vraiment il expose au minimum 18 jusqu'à 22 cm de long, Edibala. Mais ce n'est pas le cas. Il va exposer un petit truc de 5 cm. Qu'est-ce qu'il va regarder ce petit machin? C'est qui va chatouiller une femme. Pour faire quoi? Et de sur quoi il occupe de hautes fonctions? Réfléchissez! Il veut pêcher votre âme distraite. Parce que ces gens-là savent que beaucoup de gens aiment regarder ce genre de choses. Les autres cas, ce sont des incidents. Ce sont des incidents parce que vous avez voulu envoyer votre appareil chez votre copine, comme on l'a déjà dit au début. Moi, j'ai voulu mettre l'accent sur le côté mystique. Le pouvoir se trouve là. Voilà le pouvoir de l'homme. Voilà le pouvoir de la femme. Mais ce pouvoir peut être volé, transmis. Et quand on l'opère, on peut chercher des voies et moyens comment voler. Et aujourd'hui, avec la technologie, on le vole. On le vole. Il y a un rite qui se trouve dans ce qu'on appelle les grimoires. J'en ai une 50aine de grimoires, je vous informe. Les grimoires, oh là là, c'est des grands réceptacles, des grosses recettes laissées par les vieux magiciens de temps. Et là-dedans, aujourd'hui, on peut le faire sur Internet. Ali Mustapha, oui, maître. Rentre à la page 282. Oui, maître, j'y suis. Et pendant que tu ouvres la page 282, qu'est-ce qu'on te dit? Oh, quatre bougies. Afin de provoquer l'éveil sacré. Mais maître, qu'est-ce qu'on appelle l'éveil sacré? Allez-y à la page 286. Oui, maître, j'y suis. Mais on le fait à distance. Que dit la page 286? La page 286 dit, je dois me blesser le doigt. Blessez-vous. Et la suite dit, je dois prendre un escargot vivant. Mais maître, comment faire avoir un escargot vivant? Débrouillez-vous. Ça, c'est pas sans ligne. Ce que je vous dis, c'est la réalité. C'est des grimoires. Et après, une fois c'est fait, je vous dirai quoi? Vous êtes prêts? Oui. Vous êtes prêts? Oui. Allons-y, faites ceci. Vous êtes prêts? Oui. Faites cela. À distance. Mais ça passe par vidéo. C'est en direct, vous me suivez, n'est-ce pas? Vous recevez le savoir à distance. Et ce savoir va vous influencer, va changer vos vies, n'est-ce pas? Donc, n'allez pas me dire que le mec qui va poster son bangala sur la vidéo, il ne va pas réussir à vous pénétrer. Ça paraît fou, parce que c'est du paranormal. Ce que je dis là, ça fait partie du paranormal. Consulter Google pour demander paranormal, ça veut dire quoi? C'est-à-dire ce qui n'est pas normal. Ce qu'on ne peut pas expliquer. Mais seuls nous les initiés qui sommes capables de l'expliquer. On peut expliquer pourquoi quelqu'un ronfle. T'es à moi, gars. On peut expliquer pourquoi quelqu'un graisse les dents. Mais nous, en tant qu'initiés également, je peux vous expliquer pourquoi la personne se graisse les dents. Elle grince ses dents pendant qu'elle dort. Vous êtes là et dites, il faut le plaisir de grincer les dents. J'ai donné un enseignement dessus. Alors qu'en réalité, ce grincement des dents, ça envoie des sons au niveau de la glande pinéale. Ça envoie des sons au niveau de l'épiphyse, donc le centre direct, le siège de votre âme. Donc, ça envoie des vibrations au niveau de votre corps divin afin de vous permettre de sortir. Et donc, quand vous êtes sorti en vampire, les dents, vous continuez à les grincer parce que c'est ça qui renforme, qui montre justement que vous êtes dans d'autres dimensions extraterrestres, c'est-à-dire au-delà de la Terre. Vous comprenez? C'est ça ce qu'on appelle le paranormal. Mais maître, comment quelqu'un qui va ronfler, vous allez me dire que maintenant, quelqu'un qui grince les dents, vous allez me dire qu'il est sorti en vampire. Mais c'est parce que vous ne connaissez pas. Parce que nous avons étudié cela. Vous avez quelqu'un qui ronfle, à partir de ce soir-là, quand vous allez dormir, mettez bien l'oreille, observez bien la personne. Qu'est-ce qu'elle dit pendant qu'elle ronfle et pendant qu'elle grince les dents? Vous allez me dire, vous viendrez me donner raison. C'est ça qu'on appelle le paranormal. Oh, mais maître, vous avez dit la dernière fois, mais ce n'est pas possible. On ne doit plus s'asseoir, poser les mains n'importe comment, parce que là, on va s'asseoir au yayo. Oh, on prend les effluves négatives. Mais est-ce que c'est facile à croire? Mais mes amis américains me la disent, mais je suis fou. Mais à un moment donné, mais tu as raison, puisque nous faisons ce qu'on appelle le contrôle des empreintes digitales pour découvrir qui a tué, qui a attrapé quoi. On retrouve ces empreintes. Mais c'est la même chose dans la sorcellerie, mon Dieu. Donc, quand on vous porte conseil, faites très attention. Le mec qui expose sa petite bite de 5 cm, je ne sais pas qui va chatouiller la petite. D'abord, les petites d'aujourd'hui pensaient qu'elle va accepter ça. Mais il faut avoir au minimum 18. Et moi, je vous dis, ça, c'est la moyenne d'un homme normal. 18 en érection. Elle sera contente. Là, au moins, vous êtes un homme viril. Mais un petit machin que vous exposez, ça vous amène. C'est ça le problème. Donc, et déjà la chose, j'ai même vu l'une de ma chaîne, mais je n'ai pas regardé le contenu, mais je constate que le mec, la chose ne se met même plus debout. Mais il expose ça, l'essentiel, parce que les consignes qui nous ont été données, les consignes est qu'il faut quand même exposer. Oh, mais mon Dieu, mais moi j'ai des problèmes pour bander à ti, jamais. Je ferai comment? Non, ça va, expose quand même. Là, il y a deux raisons fondamentales. Un, chantage. Chantage. Mais tu as vu ton mari? Ah, mais lui aussi, regarde ce qu'il a fait. Il a envoyé ça à une petite. Et maintenant, à Libreville, il y a un réseau là, trop compliqué. Ils sont en communication avec toutes les sociétés de téléphonie mobile. Ils sont là en train de piquer. Vous savez, c'est facile. Prennent les données des téléphones des gens. Puis, voilà comment ça se retrouve en France. Voilà comment ça se retrouve chez nous aux États-Unis. On montre maintenant une maman qui est en train de sucer ses doigts ou je ne sais pas faire quoi là. Oui. Donc, il faut faire très, très, très attention. Ça, c'est le premier cas. Chantage. Et deuxième cas, mystique. Appelez-moi. Je serai là en train de vous expliquer toutes ces histoires-là. Parce que j'ai une double identité. J'ai l'avantage d'être du côté de la science, d'être avec des francs-maçons blancs. Je vous ai montré la vidéo la dernière fois. Je vous ai montré la loge où je parle. Je vous ai dit que je suis le seul noir là-bas. Westerville, ce n'est pas des blancs. Il n'y a pas des noirs là-bas. Il n'y a que des blancs. Ouh. Même mes frères qui sont dans le Prince Hall, là, les histoires des noirs, me disent, oh, toi, tu vas chercher quoi dans les Blenden Lodge? Mais ça, c'était des anciens racistes. Je dis, moi, là-bas, on me traite bien. On ne m'a pas racisé. On n'a pas fait le racisme contre moi. Donc, ce que je vous dis là. 22 juin, 22 septembre, 24 décembre, j'assiste à ces événements et il y a des choses que vous devez retenir, qu'il existe ce qu'on appelle des messes noires. Et ces messes noires ont été introduites dans la plupart des loges maçonniques après la mort de monsieur là, qu'on appelait Cagliostro. C'est lui, le premier grand maçon par excellence italien, qui s'appelait Cagliostro. C'est lui. Lui, il a amené une maçonnerie pure. Mais bien sûr, avec les histoires du crâne de Jean le Baptiste. De Jean plutôt, l'écrivain, l'évangéliste, pas le Baptiste. Voyez-vous? Et je vous ai amené, là je suis en train de conclure sur cette affaire de sorcellerie à travers la vidéo que vous regardez. Je vous ai amené en Afrique. Le gorille qui se met nu. Et plutôt la maman, la femme qui se met nu devant le gorille et le gorille qui se met à fuir. Comment expliquer ça? Je vous ai déjà expliqué le grand mystère. Je vous ai amené à la cabane, que je maîtrise très bien. J'ai une maîtrise là-dessus. Je donne des cours sur ces histoires-là. Je sais de quoi je parle. Je ne vous ai pas amené dans le vaudou ni dans la macumba. Là-bas également, on vous dira la portée. Le pouvoir que le sexe a. Pourquoi il y a certains rites dans les histoires de ce qu'on appelle les crimes rituels. Pourquoi dans les crimes rituels, on exige de vous amener, d'amener les tétons, j'ai déjà parlé de ça, de la fille, de couper son clit, de couper ses lèvres. Pourquoi on demande que ce soit le pénis d'un homme viril, que le mec doit être en train de bander et puis vous me coupez ça? Pourquoi? Et ça existe chez moi au Gabon. Je vous ai dit que j'ai un parent qui suce. Le bangala de quelqu'un qui est séché, c'est un rite. Vous allez me dire quoi? Vous allez dire, ça c'est du paranormal. Mais nous avons les grands secrets derrière cela. Rassurez-vous, moi je ne le ferai pas. Mais il y a des gens qui le font. J'ai des frères ici qui le font. C'est la bite d'un mec séché. Et quelqu'un qui la suce de temps en temps. Et quand il vient parler là, vous allez voir les gens pissent dans les culottes. Ça fait partie des pouvoirs. Voilà pourquoi on vous dit, évitez de sucer les choses des gens n'importe comment. Vous les mamans là, vous allez sucer le type. Il vous a demandé ça. Et surtout s'il vous impose, faites très attention. Un homme qui impose à une femme, oh non, il faut sucer la glace. Faites très attention, hein. Ça doit venir instantanément. Et un véritable initié te dira, non, non, non, ça va. Je suis déjà un homme viril. Laisse-moi ces histoires de sucer. Le blanc a créé ces histoires-là. C'est pour nous, on m'a stimulé pour que l'homme soit en belle érection. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Je ne suis pas encore carboigné. Peut-être à 90 ans, tu vas faire un peu ça. Oh, mais pour le moment, là, pardon. J'ai mon Iboga qui est là. Je jure au nom de l'Iboga. Ça marche. Si je me sens fatigué, oh, tais-toi, mon gars. Au nom de l'Iboga, c'est fini. Je réponds. Mais pour le moment, laisse-moi ce soit. Donc, jeune femme, faites attention. Vous allez sucer des glaces des gens. C'est lui qui vous a préparé cette glace. Et vous le connaissez même. Vous connaissez sa vie intime. Et vous, les jeunes hommes, vous vous demandez pourquoi vous avez tant de malheurs dans vos vies. Vous mettez la bouche là où il ne faut pas mettre la bouche. Pardonnez-moi, je ne vous impose pas. Mais là, je vous parle parce que c'est là-bas où j'ai reçu mon initiation. Bouti Zomba. Et dans le Bouti Zomba, on nous interdit de mettre la bouche là-bas. Il y a une raison fondamentale. Et ce soir, je vous ai presque dévoilé la raison. Je vous ai presque. Ma grand-mère que vous avez vue qui a fait fouiller le gorille. Faire pleurer le gorille, un costaud gorille. sexe de la femme. Retenez-le que le sexe de la femme, ce n'est pas seulement entre les jambes. Ça part des seins, le nombril, et ça part du bas. Parce que c'est le sein qui donne la vie. Vous regardez ça, regardez, regardez. Ça, c'est mon vieux passeport de 1999. Vous voyez, regardez, ça, c'est le Gabon. Hein? C'est ça, là. Vous pensez qu'ils sont devenus fous quand ils ont présenté ça? Donc, le sein, là, c'est la vie. La chose en bas, là, c'est la vie. Tu t'auto, sous couvert de quoi? Les tétons. Voilà pourquoi les gens qui font les crimes rituels prennent toujours les tétons de la femme. Et une femme qui se met à manipuler ça, et vous regardez la photo. Vous ne savez pas. Oh là là, jeunesse africaine, arrêtez d'être péché. Fishing. J'en ai terminé. Et pour conclure ceci, je tiens à vous remercier tous d'être venus. J'ai lancé l'appel parce que c'est un jour de surprise. Généralement, les dimanches, je ne parle pas, mais je vous ai expliqué tout au début les raisons pour lesquelles je me suis mis à parler. Les gens qui sont venus réparer le clim, là, vraiment, il n'y avait personne à la maison, donc obligé de violer ma loi du dimanche. Ça arrive, mais je vais retrouver ça pour un autre jour. Et comme c'est un enseignement qui vous tenait en cœur, depuis hier, je vous ai promis, beaucoup étaient dessus, mais voilà, je suis venu vous en parler. Oh, avez-vous des questions? Niamal. On dit quoi? C'est ça, merci beaucoup. Comment faire pour nettoyer le mental de nos enfants après qu'ils aient retardé les... regarder les vidéos de personnes exposant leur pâture? Ah, Raymond, je ne me moque pas de toi, quoi, mais c'est là, ça, c'est une question vitale. Hein. Comment faire nettoyer le mental de nos enfants? Le nettoyage du mental. Vous allez prendre d'abord votre bouche à vous. Il faut parler. Il faut porter conseil aux enfants. Allez-y lui faire suivre cette vidéo-là. Que voilà. Vous, les jeunes d'aujourd'hui, là, vous négligez la tradition. Il faut lui parler d'abord, oh, avant de faire le balayage mental, mystico-spirituel. Donc, il faut parler. Et ensuite, comme c'est des enfants. Là, j'étais tout à l'heure. Quel jour, là, j'étais avec le petit-fils. Il me dit, oh, this phone is good. Oh, bah, bah, bah. Il commençait à toucher tellement, ils aiment l'informatique. Je lui ai dit, on va t'avoir ce qu'on appelle le flip-flop téléphone. Hey, what the flip-flop? Mais they don't have no, there is no YouTube, internet. Je dis, non, il y a l'internet, mais seulement pour envoyer le message, pour recevoir un message. Oh, je dis, toi, tu n'es qu'un Nyakwe, tu es un enfant. Il y a à peine 7, 8 ans, tu cherches quoi? Ça, c'est important. Pourquoi? Parce que ces histoires de photos-là, on ne va pas t'envoyer la photo quand même par le texte simple où tu envoies un message simple à travers le numéro de téléphone. C'est souvent rare, ça passe par des histoires de bas WhatsApp, ça passe par des histoires de bas Facebook. Maintenant, j'ai même vu, parfois ils censurent les gens qui parlent des bonnes choses du pays, mais au lieu d'aller censurer les gens qui postent des vidéos, on montre les gens nus, rien. J'ai vu une vidéo là, c'est même postée sur mon profil. Une dame qui prend son chélip pour filtrer de l'eau sale, l'eau devenue maintenant claire. Bon, mais nous, en tant qu'initié, tu vas me faire des conneries comme ça devant moi? Je dis, mais mon Dieu, ton propre chélip, oui, c'est maintenant l'eau là que je veux boire, oui. On poste des choses même qui frustrent, qui calboignent les gens. Bref, le téléphone que votre enfant utilise, il faut le surveiller. Il existe des paramètres, comme on l'a dit tout au début. Il faut bloquer tous ces paramètres qui donnent accès. Vous pouvez faire en sorte que les photos indésirables, tout comme vous faites avec le système parental control avec la télévision, vous faites le parental control également sur votre téléphone. Il suffit de voir les gens qui maîtrisent bien ça. Ils vont vous le faire. C'est-à-dire que l'enfant peut envoyer quoi? Ça va bloquer. Voilà, vous programmez ça volontairement. Blocage des photos indésirées, blocage des vidéos, blocage de chichi. Acceptez seulement les messages des parents. Ce téléphone-là, vous êtes capable de le faire. Si vous avez les Samsung comme moi, Galaxy, là, c'est facile. Les iPhones encore, oh là là, c'est la plus haute technologie. S'il vous plaît, faites-le. Ça, c'est le deuxième conseil, puisque votre question est profonde. Hein. Donc, comment Comment nettoyer le mental de quelqu'un, les enfants qui ont regardé? Parce que vous savez, les enfants gardent facilement le souvenir des mauvaises choses. C'est ça le malheur. Leur esprit est trop sensible pour tout ce qui est mauvais. Mais quand il s'agit de tout ce qui est bon, vous allez porter des conseils comme je fais là. I'm sleepy. J'ai un sommeil. C'est comme ça. Parce que pour eux, ils ne voient pas ça. Ils sont surexcités à voir autre chose. Donc, parler, porter conseil, et ensuite, prier des censures sur son téléphone. Prenez, il y a des paramètres qu'il faut bloquer, ceci, cela, pour l'empêcher de recevoir des choses indésirables. Ça existe dans les paramètres des téléphones que vous voyez là. Même les téléphones mobiles, qu'on appelle ça, nouveau là, nouveau modèle, ça existe. Même dans les vieux modèles, d'accord? Et le troisième aspect, bon, naturellement, ça c'est un peu compliqué parce que, sauf s'il a été victime d'une attaque mystico-spirituelle. Mais la plupart de ces photos-là qu'on a balancées, rassurez-vous, ce que je viens d'évoquer là, le côté mystique, c'est peut-être seulement 5%. Je peux dire 2 sur 10, voire même 1 sur 10. Voyez-vous? Mais la majorité, c'est pour faire plaisir. On veut impressionner la petite. Bon, quand on veut impressionner, ben, il faut montrer le truc de 18 ou 25 cm. Aïe, aïe, aïe, là, elle est impressionnée. Mais si c'est un petit machin de 2 cm là, tu vas impressionner. Ouais. Donc, certains le font pour impressionner. Donc, comme les mamans l'ont dit au début, recevez la vidéo. Voilà ce que je peux donner comme réponse à celle-ci. Autre question. Il y a des secrets quand on touche ça, le domaine de la politique, c'est vrai. Est-ce que ces influences ne passent pas par les yeux ou ça passe aussi par ce que l'on écoute? Des deux manières. Puisque je vous ai dit que c'est votre âme qui est en connexion. Souvenez-vous ce que je vous ai dit, non? Je vous ai dit, c'est tout ça, la tête. Dans la tête, il y a quoi? Il y a les trois yeux, donc il y a les deux yeux là, et il y a le troisième œil qu'on appelle l'épiphyse. Mais c'est au niveau de ce troisième œil qui est connecté avec la glande pinéale, d'où on l'appelle le siège de votre âme, le siège de votre conscience. Maintenant, derrière, il y a ce qu'on appelle le subconscient. Voilà pourquoi quand on te boxe un coup de poing, un coup de tête là, nous qui faisons les armes martiaux, si on te fait kakato guéri ou bien oura, Oura Mawashi guéri, puis derrière là tu tombes, tu t'évanouis vite. Et tu vas te réveiller peut-être après 5-10 minutes, ça dépend de la gravité. Pourquoi? Parce que c'est là où se trouve ton subconscient qui est connecté avec votre corps divin. Donc, c'est ça. Premier aspect de la question. Ce qui veut dire quoi? Que quand vous regardez avec les deux yeux. Vous regardez avec les yeux physiques. Et maintenant, vous êtes surexcité en regardant, pour le cas des jeunes filles. Ya yo, mais le mec là-haut, il a 19. Je m'imagine. Donc, ça rentre, ça l'empoisonne. Boum, le subconscient a enregistré. Et quand le subconscient enregistre, ça c'est grave, parce que le subconscient va garder ça pour un moment et va refouler vers le conscient. Donc, la personne va vivre toujours avec ses souvenirs-là. Oui, ça passe par les yeux et ça passe aussi par ce que vous entendez. Mais le cas de ce qu'on a vu là au Gabon. Le type n'a pas trop parlé, il était seulement là tout souriant, en train d'exhiber ça. Donc, c'est plutôt le regard. Donc, vous regardez d'abord avec les yeux physiques, mais il y a également les yeux psychiques qui enregistrent. Mais quand on parle des yeux psychiques, mais c'est justement votre âme. C'est votre divinité qui prend un coup. Hein? Voilà. Quand on dit le sorcier t'a tapé, c'est pas le physique. Il a tapé ton esprit, il a tapé ton âme. Quand on te dit on t'a quata là, non, quata ton esprit, c'est ton esprit qu'on a attrapé. Et on l'attrape comment? À l'état conscient, c'est à travers ce corps. Les mains, le serrer les mains, saluer les gens n'importe comment, les yeux, le nez, voilà. C'est là. D'accord? Donc voilà les parties qui influencent. Tout ce qui vous influence extérieurement va influencer l'intérieur. Mais si vous n'avez pas la force de rejeter, dites, mais merde, quelle est cette affaire? Laissez-moi ça de ma vue. Et quand vous rejetez, automatiquement, vous faites aussi un travail spirituel. Mais les enfants qui regardent ces histoires-là, est-ce qu'ils ont un travail spirituel à faire? Ce qui est malheureux, c'est qu'il y a même des grands maîtres maçons. Moi, je connais un maître maçon qui est addicté. Regardez ces femmes-là, le 22 juin, 22 septembre, 24 décembre. Il est content. Mais c'est vrai que c'est un rite, mais il y a certains qui profitent. Vous n'êtes pas... On ne vous exige pas de se mettre en érection. Mais il y a des gens qui se mettent en érection quand j'ai vu ça. Moi, je ne pouvais pas supporter d'écouter. Moi, je n'ai pas regardé ces histoires-là. Mon Dieu, ça a commencé comme... Parce que je suis un initié, je connais. Mais eux, ils ne sont pas initiés dans nos rites africains. Ils ne savent pas que... Ils ne connaissent pas les histoires des phénomènes du gorille qui va fuir, l'animal qui va fuir parce qu'il a vu la femme nue pour protéger les chiens. Ils ne connaissent pas tout ça. Bref, les ouvertures commencent par vos yeux. Ce qui passe par les yeux passe aussi par l'écoute. Oui. Existe-t-il des rites, des rituels pour sécuriser le destin d'une personne? Oui, monsieur. Il existe. Et j'ai exposé beaucoup, beaucoup de rites. Il y a le rite, par exemple, de l'ail. Qui est là? De l'ail avec le vinaigre. Il y a ce rite qui est là. Mais les gens négligent. Allez, regardez-moi cette vidéo-là. Il y a le rite du vin. Qui est là? Le rite de l'urine. Le rite de convocation des 10 êtres les plus puissants de votre famille, des 10 ancêtres qui étaient les plus prénommés, les plus puissants. C'est là. Vous attendez quoi pour les appliquer? Donc, il y a plein de rites qui sont là pour influencer votre avenir, pour influencer votre vie, pour calboigner tout ce qui est négatif, pour vulnériser, machin. Sécuriser le destin d'une personne, oui. Vous parlez de vous-même. Il y en a pour vous-même, il y en a aussi pour les autres. Le constat est aussi fait avec le type de musique qui. Oh, la musique là ne parlait même plus, mon Dieu. Faut même plus parler de musique. Il y en a trop. Surtout si aux États-Unis, ils font la promotion des armes, ils font la promotion de la prostitution, la promotion de gagner l'argent vite, vite. C'est ce que les gens écoutent. Tout le monde veut devenir rappeur parce que l'autre a dit que. Surtout là qu'on appelle comment il s'appelle? Lil Wayne, Little Wayne, comment il s'appelle? Petit Wayne, quoi là. Le monde de la musique moderne est même contaminé. Savez-vous qu'il y a des musiciens qui ont fait rentrer les gens en transe? Des chanteurs, voulais-je dire, qui ont fait rentrer les gens en transe parlant de musique? Savez-vous qu'il y a des artistes qui ont poussé des gens au suicide? Savez-vous qu'il y a des artistes qui sont tombés en syncope? Le simple fait que l'artiste ait jeté son t-shirt? Mais c'est quoi ça? C'est une emprise sur vos âmes. Bon, peut-être que le bangala du mec sur la vidéo ne va pas vous tomber dans les prises comme ça, mais il y a des cas où ça arrive. Parce que là, le mec qui fait ça, il est silencieux, là, pour le cas de certaines vidéos que nous avons vues. Mais qui ne vous dit pas qu'il fait les incantations mentalement? Parce qu'il y a des incantations, il y a des mots qu'il faut dire pendant qu'il expose l'appareil. C'est ça l'aspect où moi je voulais insister avec vous ce soir. S'il vous plaît, mes frères. Je ne suis pas contre quelqu'un qui va exposer sa vidéo, puisque il y a des gens qui veulent prendre plaisir à ça, qu'on ne dise pas que oui, monsieur Moréon ou bien. Lui, là, on est dans ses histoires, tout est toujours sorcellerie. Lui, il exagère. L'histoire de ma grand-mère, je n'exagère pas. Les mamans qui ont parlé là, elles n'ont pas exagéré. Surtout Mame Koumbe, qui est avec moi ici aux États-Unis. Est-ce qu'elle a exagéré? C'est une femme initiée, elle connaît. Son exemple qu'elle a pris sur la femme qui doit se mettre nue pour faire fuir l'animal. Mais je l'ai illustré par ma propre grand-mère, en 1975, en septembre. La spiritualité, ce n'est pas de l'exagération, mais c'est des mises en garde. C'est le retour aux sources, le retour avec la connexion avec votre divinité. Vous ne pouvez pas fonctionner comme ça, comme des robots dans la société. Malheureusement, aujourd'hui, les gens fonctionnent comme des robots. Allons-y ici, oh ya yo, je suis le nouveau président, je vais vous donner les gâteaux cadeaux, les femmes cadeaux, oh ya yo. C'est ça, les gens sont devenus comme des robots. Vous n'analysez même pas ce qu'on dit. Vous ne rentrez pas en profondeur dans votre esprit. Je propose de fortes portefeuilles magiques. Vous aurez 50 millions par semaine. Oh, ya, yo! Vous ne réfléchissez même pas, mais mon Dieu, mais l'esprit rationnel cartésien, ça a commencé comment? Ça, c'est quelle connerie. Il raconte n'importe quoi. Comment je vais avoir 48 millions, machin, machin. Attends, moi, je vais un peu discuter avec M. Moubier, parce que lui fait la parapsychologie. Et quand vous viendrez vers moi, je vous dirai, bon, ça paraît peut-être bizarre, mais oui, il y a des gens qui le font. Comment ça? Mais vous connaissez, il existe des forces. Les forces, là, c'est quoi? Mais je vous explique, les forces, ce sont des esprits, il y a des êtres désincarnés. Quand vous mourrez, votre âme est dans le monde des reflets. Mais quand vous êtes dans le monde des reflets, vous n'êtes pas forcément allé en enfer ou au ciel ou quelque part, mais vous pouvez être au service des gens. Il existe ce qu'on appelle également des démons. Les démons, c'est que les religieux appellent démons, c'est quoi? Mais ce sont des esprits désincarnés qui, dont le rôle est de faire quoi? Mais parfois, c'est cela. Bon. Il faut expliquer, bien expliquer. Oui, mais il faut faire des sacrifices. Mais seulement quand la personne a fait la publicité et vous a pas dit qu'il faut sacrifier ton père, ta mère et tes soeurs. Tous les 5 ans, il faut sacrifier 2 âmes. Il t'a pas dit ça. Pourquoi vous sacrifiez les âmes? Mais parce que les esprits de ces mecs-là, ce sont eux qui, puisqu'ils sont dans le monde des possibilités, même dans la prière de notre Père, on nous dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, on suppose que le pouvoir vient de Dieu, et c'est la vérité. Tout vient de Dieu. Nul ne peut le nier, même les scientifiques le savent, même les athées, ceux qui sont athées. Ceux qui sont athées ne croient pas au Dieu des chrétiens ou des religieux, machin, des musulmans. Et ils croient en Dieu de leur manière. Ils n'ont pas dit que c'est... comment on appelle ça? Nier Dieu définitivement, qu'il n'existe pas, il n'existe pas un Dieu ou une force ou bien une énergie quand même. Il n'existe pas une énergie fondamentale ou un esprit. Même si on n'appelle pas ça Dieu. Ils n'ont pas dit ça. Hein? Donc, tout est régi par des forces. Et quand vous demandez un portefeuille, oui, il y a des forces magnétiques. Mais ces forces magnétiques proviennent de quoi? De qui? La force magnétique est une force invisible qu'on ne voit pas. Mais quelle est la force conductrice de cette force électromagnétique? Il y a forcément une force conductrice. Mais cette force conductrice ici, ce n'est pas Dieu, c'est qui? Peut-être les gens ont des difficultés parce qu'ils ne sont pas du Gabon. Parce que chez nous au Gabon, c'est là où on vit beaucoup plus la vraie sorcellerie. Hein. Allez-y au sud du Gabon, là, vous allez entendre parler de Matengo, les routes de Dendé, toutes ces histoires-là. Moi, chez moi, en Tchonga et dans Wongawongé, non loin de machin, à côté de Batanga, moi-même j'ai vu hein, les esprits danser devant moi, j'ai vu. Le vieux Lassine de son vivant en 1973-74, j'ai vu au quartier Toulon, il faisait danser des esprits devant nous. Hein. Le vrai Nkondjo, le Nkondjo, ceux qui ont vu le vrai Nkondjo des années 50 jusqu'aux années 70, les esprits apparaissaient, faisaient danser comme ça là, comme dans une salle de cinéma. Oui, mais aujourd'hui, est-ce qu'on voit encore ce genre de choses? Donc, ça veut dire que les gens, au fur et à mesure, négligent les traditions. Donc, ne nous négligez pas quand on vient vers vous, s'il vous plaît. On essaie de revivre. En réalité, à l'origine, c'était comme ça. Et aujourd'hui, les Blancs que vous voyez, ils le font, mais ils ne vous le font pas. Ils vont faire croire qu'ils ne le croient pas. Mais c'est faux. Pourquoi il existe des loges maçonniques? Pourquoi il existe des francs-maçons, des histoires des Rose-Croix? Pourquoi il existe des Skull and Bones? Pourquoi il existe ce qu'on appelle des Golden Dome? Le Golden Dome, c'est les Anglais qui sont beaucoup plus dedans. Pourquoi il existe toutes ces sociétés secrètes mystiques? Parfois même on fait le racisme. Toi, tu es noir. Non, non, non, non, pardon. Il faut aller dans vos histoires là-bas ailleurs. Pourquoi? Et ils croyaient à ça. Mais sauf qu'eux, ils ont organisé ça de manière scientifique. Et pour que les gens aient accès, ils ont écrit des livres. C'est pour cette raison, moi, je suis là, je me vertue de venir vous l'expliquer. Je l'explique scientifiquement. J'insiste beaucoup sur le prêt. Rassurez-vous, hein, cette affaire du livre du prêt va sortir, ça va sortir. Parce que là, je travaille avec mes moyens de bord. On nous demande ben, 25 000 dollars, 50 000 dollars pour le sortir. Je dis non, non, non. Parce que je veux le faire sortir et en anglais et en français. Le prêt va bien vous expliquer ce phénomène. Parce que le prêt, pour moi, c'est un peu mon truc favori, quoi, sur les initiations douces et les initiations fortes. Parce que les initiations fortes font appel à des forces que l'homme ne contrôle pas et ne connaît pas. Tu vas aller manger le bois sacré, tu te retrouves brutalement là-bas avec les ancêtres. Oh, yo, mais ça commence comment? Mais dans l'initiation douce, j'explique cela. Dans le prêt, j'explique que c'est par la pensée. Parce que nous, le moyen de connexion avec le monde métaphysique, le monde des ancêtres, le monde de Badier, le monde des diables et toutes ces histoires, c'est la tête. Voilà pourquoi nous disons que, à un certain degré, Dieu n'existe plus. Pourquoi? Parce que vous avez nettoyé votre tête de tous ces engrammes-là. Vous avez nettoyé votre tête de toutes ces histoires, des concepts, de ceci, de cela. Pourquoi? Parce que vous avez le grand laboratoire en vous. Vous avez le grand temple en vous. Vous avez quelque chose de très précieux qu'on appelle, je ne fais que vous le répéter tous les jours. Dans la tête, là. C'est là où il y a le grand mystère. Ce qu'on appelle les ondes cérébrales. Ce sont ces ondes cérébrales, en fait, qui vous connectent avec l'extérieur. Quand je parle de l'extérieur, c'est-à-dire tout ce qui est extra-matériel, tout ce qui est invisible, ce sont les ondes. Là. L'autre, la plus connue, c'est l'onde θ, et l'autre, la deuxième, c'est l'onde bêta. Il y a d'autres, hein? Il y a les ondes machin, alpha, il y a les ondes bêta. Mais ce qui nous intéresse pour le cas de notre tête, c'est θ et θ. Voilà les deux. Dès lors que vous allez comprendre ça, voilà pourquoi j'insiste que moi, je suis l'un des rares initiés qui insiste beaucoup plus la compréhension scientifique des phénomènes mystico-spirituels afin de les mettre en l'œuvre pour que l'homme soit en mesure d'être l'être le plus équilibré. Il maîtrise et la matière et l'esprit pour une meilleure fonctionnalité dans la société et qu'il ne soit pas un déséquilibré, qu'il ne soit pas un borné des histoires. Sinon, on va vous appeler finalement un superstitieux. Et c'est ça malheureusement, parce que la plupart de nos sorciers en Afrique n'arrive pas à expliquer certains phénomènes. Ils vous diront ça, oh, ça c'est secret, mon petit. Il y a du mal, il ne faut pas parler, il ne faut pas parler. On vous dirait seulement, il ne faut pas parler. Mais comment, papa, pourquoi on ne doit pas mettre la bouche là-bas? Oh non, non, non, non, non, non, non. C'est sacré, c'est sacré. Et c'est ça, ce côté-là, où les Blancs nous ont eu. Je peux vous expliquer toute la rhétorique, comment on fabrique le masque. Qu'est-ce qui se passe? Toute la talismanie pratique derrière la fabrication des masques, derrière la fabrication d'un totem. Je suis à l'aise de pouvoir vous parler de cela parce que j'ai étudié la parapsychologie en profondeur. J'ai fait l'étude comparée des croyances et des religions, toutes ces histoires-là. Et tous les jours, j'apprends. Jusqu'à l'heure, je vous parle, j'ai encore 7 nouveaux ouvrages que j'ai achetés qui sont en anglais, là. Les vérités sur l'un d'eux, c'est The Truth About the Lost Egypt. The Lost Knowledge of Egypt. Les connaissances sur l'Égypte rejetée et oubliée. Les connaissances sur, soi-disant, des superstitions de l'Afrique, mais ces superstitions qui deviennent des réalités en notre 21e siècle. Comment exploiter ces connaissances perdues d'avant l'époque de l'Atlantide? Voilà, je lis ça. C'est en anglais. Je n'arrêterai jamais de lire. Cultivez-vous. Bref, je vous ai maintenu longtemps pendant 2 heures. Merci pour les questions que vous m'aviez posées. Je vous remercie pour le temps que vous avez pris de comprendre les grands mystères, le comment et pourquoi exposer les vidéos et quelles sont les conséquences. Là, je vais changer le titre. Quelles sont les conséquences qui se cachent derrière ces vidéos-là? Quel enseignement tirer de ces vidéos nues que nous voyons défiler sur les réseaux sociaux? Je vous remercie. On se retrouve mercredi. Soyez tous bénis. D'ici là, portez-vous bien. Il y a quelqu'un qui insiste. J'ai vu une dame là qui dit, oh, je veux vous contacter, oh, j'ai une urgence, j'ai une urgence. Une fois cette vidéo est postée, cliquez à droite de la vidéo. À la droite de la vidéo, vous verrez le lien Telegram et WhatsApp. Mais de rentrer pendant l'histoire, WhatsApp est déjà trop plein. On en a 3 WhatsApp, tous sont pleins, près de 700-800 personnes là-bas. Mais dans le Telegram, on peut prendre jusqu'à 100 000 abonnés. Donc, rentrez dans le Telegram. Ainsi, on pourra vous donner mon contact privé et exposer votre problème. Mais ne m'appelez pas. Aujourd'hui, c'était une exception. Je ne veux pas me répéter. Donc, jusqu'à mardi, normalement, ce sont mes jours de silence. Mais mercredi, jeudi, vendredi, samedi, je suis en mesure de vous répondre. Et vous êtes très nombreux. Vous êtes très nombreux. Il y a beaucoup de personnes, je dois... Je ne vis pas de ceci. Je crois que ceux qui sont nouveaux doivent le savoir. Je travaille. Je travaille. Je suis un employé d'État et également au privé. Donc, ça m'occupe beaucoup également. Je travaille 16 heures par jour et vous comprendrez que c'est beaucoup de responsabilités. Donc, vous pouvez être, s'il vous plaît, un peu patient parfois quand vous posez des questions. Beaucoup d'entre vous, je leur demande de souvent laisser les audios et je me mets à écouter et à partir de ça, je prends rendez-vous, je peux fixer rendez-vous. Si c'est nécessaire, un rendez-vous de 10 minutes, là, c'est gratuit. Mais si vous voulez me prendre plus de 10 minutes, là, vous allez payer. C'est une consultation, mais je ne vous le cache pas. Le temps, c'est de l'argent, d'accord? Je ne vis peut-être pas de ça, mais ça rentre dans mes petites fondations. Donc, il faut que ce soit clair. Tout ce qui m'expose des problèmes, vous exposez une vidéo, vous faites un message. Évitez de dire chaque fois, venez m'aider. Oh, c'est si, oh. Et puis, quand on vous donne le prix, vous dites, ah, mais je ne peux pas, vous voulez négocier. J'ai toujours répondu par la logique. Quand vous allez voir le marabout, il n'y a pas de négociation. Je ne suis pas un marabout, mais je vous donne l'exemple. Des gens qui vous, des 10 ans d'aventure, parfois qui vous escroquent, qui font souffrir, qui ne vous donnent aucune suite à votre vie, rien du tout. Mais là-bas, vous tremblez. Vous allez même jusqu'à vous endetter à donner 1 million. Mais certaines personnes veulent négocier avec moi. Oh non, maître, est-ce que je peux donner la moitié? Non. Moi, je ne sais pas quelles sont les entités, quels sont les esprits que vous avez. Ces esprits que moi, je vais aller affronter n'importe comment, risquer ma vie. Je quitte ici, sur les États-Unis, pour venir là-bas à Moulamangondo, ou bien je ne sais pas, venir à Ouyem, et vous osez vouloir négocier avec moi. Non. J'ai dit, je ne vis pas de ceci, mais c'est ma passion. Je suis un peu cet homme qui... L'avantage que j'ai, c'est parce que j'ai beaucoup plus travaillé pratiquement. J'ai développé mon esprit. Voilà pourquoi je vous encourage. Le but de mes enseignements ici, ce n'est pas de venir faire du charlatanisme. Non, non, non, non, ce n'est pas ça. Mais comme l'Africain est habitué, il faut me consulter un peu, il faut chercher cela. Le but de ces enseignements, c'est d'éveiller vos esprits. Pourquoi pas de devenir comme moi? Parce qu'il y a beaucoup qui ont ces connaissances-là, mais ils ont plein de livres. Moi, je connais quelqu'un, il a plein de livres, mon Dieu. Il a dépensé même des millions, trop. Mais rien. Il est toujours en train de me dire, oh maître, il faut m'aider. Quel rituel je dois faire? Oh maître, vraiment, consulte-moi un peu. Oh maître, moi, je veux faire ceci. Je me pose la question, mais vous avez tout cela, vous faites quoi avec? Toutes ces connaissances, vous faites quoi avec ça? Il faut pratiquer. Bref, c'est ce que moi je vous encourage. Le développement de soi, l'éveil de votre conscience divine, l'éveil de votre divinité, et à partir de cette éveil de la divinité, mon rôle, c'est de vous faire du coaching. En fait, c'est ça. Voilà pourquoi je suis cette chaîne-là. Non seulement vous aider à retrouver, vous aider à identifier qui vous êtes, à comprendre qui vous êtes, en fait, c'est très important. Parce que vous commettez toujours l'erreur à travers les religions d'aller chercher à comprendre qui est Dieu, vous n'allez jamais le connaître, vous n'allez jamais le comprendre, jamais, je vous le dis. Mais dès lors que vous allez connaître d'abord qui vous êtes, et c'est ainsi que vous allez comprendre qui il est, c'est aussi simple. Il faut rentrer. Même leurs livres saints le disent, non? Que Dieu se trouve en vous. Je ne sais pas. Donc c'est ça le but de mes enseignements. Et les informations que je vous donne aussi, c'est pour vous prévenir, c'est pour vous guider sur la bonne voie, c'est pour éviter que vous tombiez dans des pièges. Je suis à la fois un père, un grand-père, pourquoi pas, un grand frère, qui est là pour vous guider par la sagesse. J'ai eu un peu l'avantage d'être élevé par des vieux au village. J'ai grandi au village. Rassurez-vous, je suis venu aux États-Unis, j'avais déjà dépassé 30 ans. Hein. Mais de 0 jusqu'à 30 ans, 35 ans, j'étais où? Je dirais jusqu'à 35 ans. Je n'étais pas ici. J'étais au Gabon. Et de 0 jusqu'à 15 ans, je vivais ces expériences-là. De ma grand-mère qui vient se mettre nu devant le gorille. De mon grand-père qui me donnait connaissance. Et tout le reste. Et j'ai eu la grâce d'avoir un boulot en tant qu'inspecteur de pétrole. C'est là où j'ai élargi mes connaissances. Aller au Congo, que ce soit le Congo RDC, démocratique, donc Kinshasa, ou le Congo-Brazzaville. Aller au Cameroun, Limbé, Matadé, Douala. En Tunisie, Sfax, au Nigeria, Porakot. Et comme j'avais déjà mon esprit éveillé, voilà, je m'en sais les connaissances que j'avais. Et depuis que je suis aux États-Unis, mais des dizaines de voyages, puisque là, j'ai l'argent, je peux voyager, aller acheter la connaissance. Ah oui, les gens les vendent, les connaissances. Mais moi, je vous donne ces connaissances-là gratuitement. Soyez bénis, que tes amours vous bénissent. Merci encore. Merci, merci beaucoup, merci beaucoup, merci. Merci, merci encore. Merci, merci, merci, merci beaucoup. Oh, ça ne peut pas s'arrêter. C'est quoi cette affaire-là? Ouais, merci beaucoup.